Viendront justement découvrir tout ça. Julia Martin, merci. Solidarité jeunesse, le tout au pluriel, va nous permettre aussi de trouver les bons plans solidaires. Les chantiers internationaux, les chantiers adolescents, les chantiers famille et les chantiers adultes. Merci beaucoup Julia et à la prochaine. Avant de vous parler du programme de lundi, moi je voudrais juste vous dire là qu'au Théâtre des Variétés, à Paris, dans le 2e arrondissement, dans le cadre du Festival du Futur Composé Autisme et Culture, eh bien ce théâtre accueille justement un spectacle Traviata's Compagnie, joué en partie par de jeunes autistes professionnels handicapés ou pas, et des amateurs autistes ou pas, bref, tout le monde autour justement d'une œuvre d'art. Donc n'hésitez pas, c'est au Théâtre des Variétés entre le 3 et le 7 juin. C'est le week-end, je vous le souhaite le plus agréable possible. Nous, on se retrouve lundi pour parler de la voix avec Jean Abitbol, Mickaël Grigorio et Jean-Claude Donda. À lundi, 15h en direct sur RTL. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Bon week-end. RTL, il est 16h. Pardon pour le retard. Yann Boucherie pour les infos. Yann. Bonjour à tous. La situation se dégrade à Paris sur le front des inondations alors que le pic de la crue est attendu dans la soirée à 6,50 m. La station Saint-Michel du RER B a été fermée, tout comme l'arrêt de la ligne 4 du métro. Idem sur la ligne 10. Les rames ne marquent plus l'arrêt à la station Cluny-la-Sorbonne. Le Grand Palais, lui, est interdit au public depuis 14h30 par mesure préventive. Et les premières inondations de logements ont été constatées dans le 16e arrondissement où vous vous trouvez. Élodie Guillard. Oui, la Seine a atteint plusieurs immeubles de ce quai Blériot. Pour vous donner une idée, une voiture garée juste devant est presque entièrement engloutie sous l'eau. Seule l'antenne dépasse. Une eau marron, presque noire, qui a pénétré dans les sous-sols, plus d'1,50 m dans les caves d'un immeuble où la gardienne fait déjà constater les dégâts, mais interdiction pour les habitants de s'y rendre. À côté, ce sont dans les chambres de bonne que l'eau ruisselle sur les murs, les sols. Les fenêtres, elles, ont été condamnées par des planches de bois. Les lits et les bureaux ont été surélevés à la hâte, car hier encore à la même heure, tous les habitants était au sec. Mais pour l'instant, EDF a décidé de ne pas couper l'électricité dans ces immeubles. Merci Élodie Guillard. Des évacuations sont envisagées aussi sur l'île de la Jatte, sur l'île Saint-Germain et au camping du Bois de Boulogne à Paris, mais aussi à Rueil-Malmaison en amont de la capitale. Des habitants sont également invités à quitter leur logement depuis ce matin à Juvisy ou encore Viry-Châtillon. Notez que le RER C est bloqué entre Massy et Versailles jusqu'à 16h30. Attention, le trafic déjà interrompu dans Paris le sera sur toute cette ligne C du RER à partir de 20h, trafic qui sera fortement perturbé, au moins jusqu'au lundi 6 juin inclus, précise la SNCF. On passe au sport, et tout d'abord le tennis. RTL. Roland-Garros 2016. Et on connaît l'affiche de la finale dames. Elle opposera Serena Williams, victorieuse en deux manches de la néerlandaise Bertens, à la jeune espagnole Muguruza, qui a dominé en 2-7 l'australienne Stosur. Isabelle Langer, bonjour. Bonjour Yann. Et sous vos yeux, les quatre demi-finalistes masculins sont aux prises. Oui, Novak Djokovic sur le court, Suzanne Lenglen dans une belle ambiance pour tous les gens qui avaient des places pour les courses annexes. Eh bien, ils profitent du numéro 1 mondial face à l'Autrichien Thiem. Et tout se passe bien pour Djokovic. Il mène 6-2, 2 jeux à 1. Sur le court Philippe Châtrier, c'est beaucoup plus compliqué pour le tenant du titre Stanislas Wawrinka. C'est Andy Murray qui fait la course en tête dans ce match. Il mène 5 jeux à 3, le Britannique, dans la première manche. Merci Isabelle Langer. Seb Blatter aurait largement profité de son poste. La FIFA a informé les justices suisses et américaines de l'enrichissement personnel de son ancien président et deux de ses lieutenants, dont Jérôme Valk. Les trois hommes se seraient partagés 80 millions de dollars selon la FIFA. On passe aux courses à Saint-Cloud et c'est avec vous Jérôme Bernardet pour les résultats de l'après-midi. Les rapports de la quatrième, Yann. C'était le prix de Gaillon, tous ont couru, mais n'était que 6. Très net succès du 3. Royal Dolo à 7,70-2,60. Deuxième le 4, Golden Wood à 1,50. Troisième le 5, Madernia. 3, 4 et 5 pour la quatrième. La cinquième, là aussi, tous ont couru, mais il n'était que 5. Et c'est l'As Bal de Rio qui s'impose. Petite surprise, 6,10-2,20. Disposant du 4, Ayamonte, 3 €, qui après photo a eu raison du 5, Vision de Roland, As 4 et 5 pour la cinquième. La suite est pas la fin, il y aura encore une huitième, un peu après 17h. Merci Jérôme Bernard de RTL, il est presque 16h04. Tout de suite, vous retrouvez vos grosses têtes avec bien sûr Laurent Ruquier. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez avec vos proches, partagez vos photos et trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Une grosse tête qui est comme l'écho, on continue à l'entendre même après l'émission, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête pharmacienne qui vient ici comme si elle faisait des essais dans un laboratoire, Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui est rentrée dans tout, sauf dans les ordres, Pierre Bénichou. Une grosse tête qu'on situe à peu près entre l'homme de Cro-Magnon et celui de Cronenbourg, Jean-Jacques Perroni. Bonjour, monsieur l'âme. Une grosse tête qui, dès qu'il n'est pas là, fait exploser les dépenses de l'émission. Six chèques de 300 euros distribués mercredi dernier en son absence, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, un petit nouveau, une grosse tête dont les apparitions au cinéma ont toujours été marquantes, intouchables, les gamins, le tournoi, c'est sa première fois chez nous aujourd'hui, 25 ans, un record de jeunesse aux grosses têtes, Thomas Olivares. Bonjour, bonjour, bonjour. Pierre, des petits conseils aux petits jeunes quand même. Fais pas comme les autres. C'est-à-dire bah, tu veux être là à 70 ans passés, oui. Hein, oui. Alors sois mauvais. Okay. Vous êtes content, je crois, de rencontrer Pierre Bénichou pour la première fois. Mais moi, je suis fan. Voilà, je le dis, Pierre, je suis fan et je suis très content d'être là. Ah oui, mon petit gars, c'est vrai. Voilà. Et attention, faut pas être lèche-cul non plus. Pourquoi fan de Pierre Bénichou? Ah, mais je sais pas. Quand je l'écoute là comme ça, j'ai envie de fermer les yeux. Je me retrouve sur l'autoroute, c'est super. Mais il est d'Oran. Ouais. Bah oui. Mes parents sont d'Algérie, tout ça. Ouh là là, faut pas lui dire ça. Pied noir, tout ça. Ah, vous êtes pied noir, mais vous bien aussi. Sûr. Ça voilà. Se voit pas du tout, vous. Non, c'est les cheveux longs, c'est ça. Et vous, Christine, quel conseil donneriez-vous à Thomas Olivares? Bah, ça dépend. T'as une meuf? Je suis désolé, Christine, vraiment, je suis désolé. Quoi, t'es pédé? Non, j'ai... Non. Non, je suis désolé, j'ai à quelqu'un. À 25 ans, on peut pas le savoir encore. Vous avez raison, parfois ça arrive plus tardivement. Bien sûr. Il est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous voulez dire que vous avez déjà une fiancée, c'est j'ai, ça? J'ai déjà une fiancée, Christine, je suis désolé. Roselyne Bachelot est déjà sur le coup, de toute façon. Bah oui, exactement. J'aime la chair fraîche. Ah voilà. Alors, quel conseil vous lui donneriez-vous, Roselyne, au petit Thomas Olivares? De pas se laisser faire par les autres chroniqueurs de l'émission qui vont profiter de votre jeunesse pour vous insulter, vous martyriser, etc. Faut répliquer au canon de 75. Promis. Et puis surtout, il faut faire preuve de culture. Ah oui. Il faut répondre, par exemple, aux citations avant Florian Gazan et Jean-Jacques Perroni. Ça va possible. Être compliqué. Hein. Ça, c'est pas facile, évidemment. Et d'ailleurs, tiens, là, voici la première citation pour Thomas Demol, qui habite Vizerne, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « L'avantage d'être un peu poète, c'est de s'approprier les lieux sans devoir passer chez le notaire. » Oh, c'est bien joli. Est-ce que c'est français? C'est français, monsieur. Et c'est mort? Oh non, c'est vivant. C'est vivant. Et très vivant. C'est vivant, oui. Ça bouge encore. Qu'est-ce que vous appelez très vivant? Eh ben, ça bouge, ça danse, ou c'est dans un fauteuil roulant. Ouais. Quelle tranche d'âge? Ça bouge. Ça bouge encore. Quelqu'un né en 47. Ça bouge, mais c'est pas c'est très jeune. C'est jeune. Est-ce que c'est un romancier? Romancier, journaliste, éditeur, écrivain. Romancier, journaliste, éditeur. Ballon. Il a eu le prix Paul Léoto, le prix Roger Nimier, le prix de la Table Ronde. Il a beaucoup de prix. Prix Jacques Chardon. Il est de l'Académie, non? Le prix du roman populiste. Non, je ne crois pas qu'il soit académicien encore. Il pourrait, hein, mais il ne l'est pas. Daniel Pénac, non. L'avantage d'être un peu poète, c'est de s'approprier les lieux sans devoir passer chez le notaire. Éditeur, il y en a eu un qui est journaliste, Tillinac. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien Denis Tillinac. Une citation pour Michel Sala, qui habite Caen, qui a dit « Si Dieu avait voulu que les hommes volent, il aurait simplifié l'accès aux aéroports. » On dirait du Woody Allen, ça. Non, mais c'est américain. C'est américain. Philippe Martinez, j'aurais dit, moi. Mais de la CGT. Non. Seinfeld? Ouais, Seinfeld, non. C'est du stand-up? Oh, du stand-up, il en a fait, mais surtout du vaudeville, de la radio, de la télévision. Ah bah, il est mort. Il est mort. Ah, c'est George Burns. Pardon? George Burns, bonne réponse de Florian Gazan. Une troisième citation pour Benoît Arrivel, qui habite Bourquebus dans le Calvados, qui a dit... Oh, joli département. Qui a dit, la modestie chez un acteur, c'est comme la passion chez une prostituée. Pierre Bénichou? Non. Est-ce que c'est un acteur? Ah, c'est pas un acteur. C'est une prostituée? Encore qu'il a joué au cinéma un petit peu, mais enfin pas beaucoup. C'est un écrivain. Il aimait qu'on dise qu'il était aussi acteur, mais hélas, il n'a pas fait carrière d'acteur. Ah, il est mort. Oh, il est mort, oui. Il est français depuis très longtemps. Oh, pas depuis très longtemps, depuis 2007. Il est français. Il est français. La modestie chez un acteur, c'est comme la passion chez une prostituée. C'est un journaliste. Un journaliste, non, non, il n'avait pas sa carte de presse, non. C'est un mondain, plutôt? Mondain, oh non, on peut pas non. dire ça. Lui. Écrivain. Il a fait partie des Grosses Têtes pendant très très longtemps. Ah bon? Janco? Ah Janco, oh non. Non. Oh bah Janco. Il a pas été dans les Grosses Têtes, Janco. Non, j'en sais rien. Il était écrivain. Bah non, il a publié, mais il a publié. Pas un écrivain. Sim? Sim, non. Qu'est-ce qu'il faisait, alors? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Bah il était acteur? La modestie chez un acteur, c'est comme la passion chez une prostituée. Il est pas acteur, il est pas écrivain. C'est pas possible. Mais alors qu'est-ce qu'il fout? Animateur? Animateur aussi, oui. Jacques Martin? Et c'est Jacques Martin. Ah bah oui. Bonne réponse, Christine, bravo. Il avait fait un film qui s'appelait Na, je ne sais pas si vous vous rappelez. Exact, oui, tout à fait, réalisé ce film. Réalisé, oui, avec Daniel Evnoux, d'ailleurs, dans le film. Oui. Une autre citation pour David Pécheux, qui habite Farnham, en Angleterre, qui a dit « J'irai vivre à Hollywood le jour où l'Australie et la Nouvelle-Zélande seront détruites par un cyclone. Et encore, il faudrait alors que la peste règne en Europe et que l'Afrique ait disparu suite à une invasion extraterrestre. » C'est quelqu'un qui aimait vraiment pas Hollywood. Exact. Mais qui Charlie Chaplin. Oh, c'est quelqu'un qui vit encore. Australien? Alors, eh ben oui, évidemment. Eh oui, eh oui. Bah, George Miller. George Miller, non. Mel Gibson. D'ailleurs, pas australien, néo-zélandais. Néo-zélandais. Ah, Russell Crowe. Et c'est Russell Crowe. Bonne réponse de Florian Gazan. Excusez-moi. Bravo. J'ai l'impression que c'est les noms inventés. Ah mais ça veut dire Russell Crowe. Mais bien sûr, comment n'y a-t-il pas pensé? Bon, enfin, Russell Crowe, tout le monde le connaît. Oui, bien sûr, dans quel quartier? Bien sûr que je connais Russell Crowe. Thomas, dites-lui qui c'est Russell Crowe. Russell Crowe, un acteur américain qui a fait Robin des Bois. Parle à mon cul, ma tête est malade, ça va. Gladiator. Et même, il est à l'affiche cette semaine dans un film avec, Ryan Gosling. Avec Ryan Gosling. C'est un des acteurs les plus réputés du moment, Russell Crowe. Ouais. Ah bah dis donc. Vous êtes resté à Robin des Bois avec Errol Flynn. Errol Flynn, on dit beaucoup de mal de lui. Mais à part qu'il était nazi, il était charmant. C'est quand même du grand n'importe quoi. Les Grosses Têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Agnès? Oui? Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. La porte de garage automatique motorisée est à 398€. Et hop, tu la fermes. Comment ça, je la ferme? Bah, la porte du garage, elle est automatique, donc hop, tu la fermes. Ah, la porte! Oui. Je ferme la porte! Bah voilà, quand même. Gédimat, matériaux et bricolage. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rosé de Loire 2015, les Charmerets à 3,80€, la deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75 centilitres, soit 5,07€ le litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et jusqu'à 18h sur RTL, les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Une question culturelle pour Sylvia Jeanne qui habite Épinay sous Sénart. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ronflez comme mais ça? Je ronfle pas, je... Elle grogne, elle grogne. En regardant mon ami... C'est quoi ton nom, putain? Mon ami, c'est quoi ton nom? Ça, c'est quelque chose dans ce métier qu'on entend régulièrement. Hein. Oh, mon très grand ami, c'est quoi ton nom? Ça, c'est caractéristique de ce métier. À qui vous parlez d'abord? Mais à Florent. À Florian. Oh, la bénichite. Oh, ça fait... Voyez où vous êtes tombé, monsieur Solivares. Ah, non, mais là, hein. tu peux encore partir. Plus tôt, j'hésite. Alors, la question, évidemment, va favoriser Roselyne Bachelot, puisque je vais vous parler d'un opéra qu'elle connaît forcément, opéra de Giuseppe Verdi. D'ailleurs, quel est l'opéra dont on aime tous parler en ce moment, à votre avis? C'est évidemment Othello, hein, vu tout ce qui se passe. Il y en a un autre. Hein. Ah oui? Tirando. Ah, pas mal. Alors justement, je vais vous demander, évidemment, quel est le nom de l'épouse d'Othello? Desdemone. Excellente réponse. Quoi? Desdemona, tout le monde sait que c'est Desdemone. Ah, tu connais Desdemone, toi? Oui, j'ai dit la première. Tant pis. Il l'étouffe avec un oreiller. Vous auriez pu jouer Othello, vous, Pierre. Ça aurait pas être un Othello qui a très poil. Et Christine aurait dit sa Desdemone. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah oui, il faut une blonde. Ouais, j'adorerais. Tu dirais pitié, pitié. Je dirais non, pas de pitié. Non, tu l'as mérité. Mais non, je vous en prie. Et Thomas ferait un très beau Cassio. Ah oui. Ah, ah, ah. Merci Roselyne. Vous chantez, vous chantez bien, monsieur Solim? Oui, oui, je pousse la chansonnette. C'est pas vrai. J'attends que Pierre lance une chanson, je l'accompagnerai. Mais une chanson moderne, tu veux? Parce qu'avec Pierre, ça partira pas. Oui, ça va être compliqué. Il chante bien Poupoule. Viens Poupoule, c'est bien. Ah, vous connaissez Viens Poupoule? Bien sûr, Viens Poupoule. Viens Poupoule, viens. Mais non, mais c'est le couplet. Ah non, le couplet, non, je connais pas le refrain. Samedi soir, après le turban, l'ouvrier parisien. Dis ta sa femme pour le dessert, te paie le café concert. Il est bon ce gosse. Bien que vous qui avez chanté. Et après il dit il est bon ce gosse. Vous trouvez pas qu'il pleut assez les gens? Alors justement, j'ai une autre question concernant évidemment Mac Mahon, dont on connaît la célèbre phrase Que d'eau. On était en 1875. C'est une importante crue de la Garonne qui se produit en juin 1875. Et le président Mac Mahon, visitant les villes et les villages dévastés, un peu comme peut-être François Hollande ou Manuel Valls le font ces jours-ci, a effectivement déclaré cette célèbre phrase, voyant la crue de la Garonne, « Que d'eau !» Il n'a pas su quoi dire d'autre. « Que d'eau !» Et le préfet du département lui a alors répondu « Et encore, monsieur le président, vous ne voyez que le dessus !» Je vous jure que c'est vrai. C'est génial. Mais ce n'est pas la seule phrase célèbre qu'on doit à Mac Mahon. C'est quand il était général, militaire donc, puisqu'avant d'être président de la République, il a été général, Mac Mahon, et lors de la campagne de Crimée, justement, c'est pendant la campagne de Crimée qu'on a eu les fameuses oives du pont de l'Alma, tout se tient. Ouais. Et c'est pendant cette période de la campagne de Crimée qu'il est héroïque et il prend la défense de la tour de Malakoff. Il oblige les Russes à se retirer. Et là, il a une phrase restée célèbre pour toujours qui est... Il oblige les Russes à se retirer. Oui. Puisque les Russes étaient alliés. Donc la phrase est liée. La phrase est à l'adresse des Russes. Oui. Tirez les premiers, messieurs les Anglais. Maintenant, c'est Fontenoy. C'était des Russes. C'est n'importe quoi. Non, mais pour montrer. Il aurait pas eu dans le cul. Non, mais c'est pour montrer que je connais des phrases quand même. C'est une phrase très célèbre. Ah, si j'avance et tu recules, comment veux-tu? Comment veux-tu? Je t'embrasse. Il parle aux Russes, on est d'accord. Oui, il parle aux Russes, il parle aux ennemis, oui. Mais non, mais les Russes sont pas les ennemis. Si, dans la guerre de Crimée. Qu'est-ce qu'il peut leur dire aux Russes? Et c'est une ânerie ou... Ah, c'est pas une ânerie. Non, c'est un signe quand même de volontarisme. Mais c'est une insulte. Non, je dis une phrase restée célèbre qu'on utilise tous encore aujourd'hui. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? C'est devenu une expression. Est-ce qu'on se le dit entre amis? Ah, ça arrive, ça arrive. Amène une bouteille. Non. Un dernier pour la route. Non. Bien sûr. C'est d'ailleurs le titre aussi d'une pièce de théâtre, célèbre pièce de théâtre. C'est resté pas là. Comment vous dites? En gros, c'est resté pas là. Non, c'est pas ça qu'il leur dit. Alors. C'est un rapport avec la vodka. Mais on se rapproche de très près, on brûle. J'y reste. Bonne réponse. Génial. De Jean-Jacques Perroni. J'y suis, j'y reste. Bravo. Une pièce de théâtre signée Raymond Vincy et Jean Valmy aussi. C'est Anne-Marie Carrière qui avait joué dans cette pièce avec Jacques Morel qui jouait le cardinal. Mais il y a eu une version avec Jacques Martin pour Au Théâtre ce soir qui jouait lui-même le cardinal auprès, non pas d'Anne-Marie Carrière à l'époque, mais auprès de Marion Gamme, si ma mémoire est bonne. Voilà, j'y suis, j'y reste. Ça n'avait rien à voir avec la guerre de Crimée, la pièce. Non. Vous n'avez jamais dit ça, Christine, bravo. Vous savez même pas qui ça oppose, la guerre de Crimée, alors la ramenez mais si pas. Je le savais, j'ai rien. Chantal Latsou, sors de ce corps. Mais je suis à sa place. Avouez quand même que c'est une phrase célèbre. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. J'y suis, j'y reste, et c'est vrai. C'est ce que je dis tous les soirs à la fermeture du bistrot. Et c'est vrai que vous dites pas que d'eau. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. S'il vous plaît, nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss, au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Sol majeur. Le son piano. Sol stratifié. Quelle épaisseur? 8 plus 2 mm. Bonne garantie. 20 ans. Prix bas. 6,95 € le mètre carré. La qualité, le prix. Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Sol stratifié, 8 plus 2 mm de sous-couche à seulement 6,95 € le mètre carré, soit 12,13 € la botte. Arrivage en quantité limitée à partir du 3 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico-Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 €. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Ce soir les enfants, c'est moi qui fais le repas, une bonne salade et des grillades. Ouais ! Il y aura bien des herbes et des épices fuchs. Et aussi des petits crotons fuchs dans la salade. Fuchs les enfants, pas fuchs. Évidemment que je mettrai des épices fuchs. Avec les herbes et les épices fuchs, le repas est forcément bon. Pas forcément bon, papa. Fuchsement bon. Fuchs. Votre lave-vaisselle vous rend service tous les jours ? Alors faites-lui plaisir. En ce moment, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un maxi-pack de 38 tablettes tout en un Ultimate Sun, le second est à 0€ au lieu de 7,80€. Mais c'est jusqu'au 5 juin seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Chérie, vite, elle est revenue. La carte 10-10 Bricorama ? Oui, à nous les 10% de remise immédiate sur tous nos achats jusqu'au 28 août et pour seulement 10€. 10% de remise sur tous nos achats jusqu'au 28 août chez Bricorama. Oh, j'adore Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Voir conditions et magasins participants sur bricorama.fr. Baptiste, oui ? On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi ? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6. Réservé aux professionnels. Montant hors taxe. Voir Ford.fr. Comme tous les jours, les Grosses Têtes et Laurent Ruquier vous attendent lundi à 10h dans le grand studio de RTL pour le prochain enregistrement de leur émission. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux Grosses Têtes. Martin Ledanvoski est au téléphone. Bonjour. Martin. Bonjour Laurent, bonjour les Grosses Têtes. Et surtout, bonjour ma chère Christine Bravo. Oh, c'est mignon. Mais ça alors, il a 19 ans seulement. Oh, ça sent le adopte un mec. Oui. Je veux dire, je préfère Tizi Boulet en réalité, mais bon. D'accord. Bon. Désolé Christine. Christine, pas de bol. Bon, au moins, c'est clair. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Martin? Je suis étudiant en sciences sociales. Étudiant en sciences sociales. Vous êtes un peu jeune pour la question que je vais vous poser. J'ai peur, hélas, que vous ne gagniez pas. Mais peut-être qu'avec un ordinateur, vous pouvez trouver facilement, si mes camarades vous laissent aller 10-15 secondes. Mais attendez. Oui, même 20-30. Ah oui. En disant, il ne faudrait pas abuser. En revanche, le cadeau est fait pour vous. Un petit week-end à Disneyland avec des potes. Franchement, même si vous n'êtes pas un gamin, mais enfin quand même, à 19 ans, on peut se marrer à Disney. Disneyland Paris, Walt Disney Studios vous attendent pour 4 personnes. Un séjour à l'hôtel Sequoia Lodge, entrée illimitée. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Benichou ? C'est formidable, je trouve, moi. Ah oui ? Il paraît que Mickey était homosexuel. Vous croyez ça, vous ? Non, ça se dit. Bah, et Mini, alors ? C'est gentil pour Mini. Elle est lesbienne, elle est lesbienne. C'est un couple arrangé. Ouais, c'est ça. Mais voyez où on en est. On part d'une question à machin et on en est à Mickey qui est homosexuel. Et Donald, il était comment ? Il était zoophile, il couchait avec Daisy quand même. Bon week-end chez Disney, Martin. Mais avant ça, il faut répondre à une question qui concerne le zouave du pont de l'Alma. Ah oui. Vous connaissez le zouave du pont de l'Alma. Vous êtes parisien, ça devrait vous aider quand même. Sauf que c'est à propos d'une chanson. Attention, on lui laisse 15 secondes. Une chanson célèbre. Dans quelle célèbre chanson fait-on rimer le pont de l'Alma avec de la mort au rat ? Vous m'avez dit que le zouave faisait référence à quoi ? À rien du tout. J'ai dit que le pont de l'Alma, le zouave du pont de l'Alma, rimait avec de la mort au rat. Voilà. Alors, je peux vous le dire maintenant ? Attendez, on lui laisse 10 secondes tout de même. Oui, oui, vous me laissez 10 secondes. Dans quelle célèbre chanson le zouave du pont de l'Alma rime-t-il ? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine par ta chanson. Voilà. Ouais. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, c'est gagné, bravo ! Ouais. Super, merci. Ah ouais, oui. Il a souvent été cité. Eh oui, non. William, on t'écoute. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Allemagne. Voilà, vous avez la version moderne. C'est de Ray Ventura, ça. Ouais. Et c'est Ray Ventura qui chantait effectivement. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Vous avez pas ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire bravo pour de l'Alma. Voilà la version, monsieur Bénichou. Bon, c'est pas votre époque, forcément, Martin. Oui, non, c'est sûr que c'est pas ce que j'écoute tous les jours, mais bon. Mais oui, mais à 19 ans, ça nous intéresse de savoir ce que vous écoutez, justement. Ben, bon, alors, après, pour rester dans les clichés, on va dire que j'aime bien Céline Dion, personnellement. Ah oui, mais là, on est bien dans le cliché, oui, effectivement. Céline Dion. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre Céline Dion ? J'ai rien contre Céline. Céline Dion, je préférerais qu'elle soit morte à la place de René. Parce que lui, il nous ferait pas chier tous les jours en disant « Je communique avec elle, mais très beaucoup. » Non, non. Quelle horreur, quel couple de merde. Je suis assez d'accord avec Pierre. Enfin, on peut pas dire ça sur une antenne nationale. Ah, je peux pas dire ça. Ah non, enfin. Eh ben, qu'il vienne m'empêcher. Ça va être difficile, ouais. On l'aime beaucoup, Céline. Moi, j'aime bien. C'est brave gosse, hein. Puis si tu vois de là où elle vient, hein. Oh, là. C'est une de nos meilleures chanteuses. Oh là là. De nos meilleures. Pourquoi j'ai rien à voir avec elle, moi. C'est une américaine qui chante en français par hasard. Mais non, c'est une des voix les plus fabuleuses qu'on ait jamais connues. Une professionnelle. Et tout ce que j'aime, une professionnelle. Et elle a des sœurs, des frères qu'il faut qu'elle nourrisse. Ah bah oui, ah, ça, elle en a un paquet. Je dis pas qu'il faut pas lui faire une petite subvention. Et puis en plus, maintenant qu'elle est célibataire, vous avez vos chances. Elle aime les vieux jetons. Il est un peu jeune. À Las Vegas, c'est les vieux jetons. Il est un peu jeune. Elle est moche. Comment ça, elle est moche? Non, elle a été. Elle a été arrangée de façon miraculeuse par les plus grands chirurgiens esthétiques. Ah bah, à ce niveau-là, c'est du tuning. Mais au départ, elle était mannequin, j'ai fait moins peur, en fait. Non, mais sérieusement. Non, c'est vrai qu'elle avait les dents comme le tiercé dans le désordre. Mais elle était pas mannequin, j'ai fait moins peur, elle était gamine, elle avait 14 ans au début. Elle était moche. Ouais, elle était pas bien belle. Et puis on évolue, on s'en va. Et puis on gagne de l'argent. Voilà ce que c'est qu'une mauvaise nature. L'argent fait tout oublier, hein. Voilà. C'est pas comme ça. Comme il est riche, oui, très bien. Ouais, tout ça, ouais. Bah, c'est vrai que grâce à l'argent, on est parfois un peu plus beau qu'au début. Alors, surtout, on a les moyens de se faire arranger, hein. Bah voilà, vous voyez, Pierre. C'est là qu'on voit que vous avez pas gagné beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, vous souhaite un joli séjour à Disney. Martin, vous avez gagné beaucoup, grâce à Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Merci. Et ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Mathilde Thomas, expliquez-nous le succès du sérum anti-tâche Vinoperfect. Autrefois, les jeunes femmes dans le vignoble s'enduisaient le visage et les mains de sève de vigne pour enlever les taches et éclaircir leur teint. La recherche Caudalie a découvert dans cette sève miraculeuse un principe actif naturel surpuissant qui s'appelle la viniférine. Surpuissant ? C'est-à-dire ? C'est 62 fois plus efficace que la vitamine C pour enlever les taches liées à l'âge, au tabac, à une grossesse, au soleil. C'est le numéro 1 de l'antitache en pharmacie. Merci Mathilde Thomas. Merci. Bon chéri, faut qu'on fasse des économies. Ok, on n'a qu'à refaire toute notre cuisine. Quoi ? Bah oui, on change pour une cuisine éco-responsable. Un réfrigérateur qui consomme moins, un robinet économe en eau. On va faire des économies. C'est sûr, vu comme ça. C'est le moment de changer. Jusqu'au 25 juin, IKEA vous offre 10 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout l'univers de la cuisine. Meubles, électroménagers, ustensiles, art de la table, le restaurant et l'épicerie suédoise. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. C'est le printemps bio. Découvrez l'agriculture biologique et la diversité de ses produits. Dégustation, ferme et entreprise ouverte, marché, conférences. Pour trouver les animations près de chez vous, rendez-vous sur labiodesquatresaisons.eu ou sur l'appli La Bio en Poche. Manger bio, produire bio, c'est bon pour moi et pour la planète. Message cofinancé par l'Union européenne et l'Agence Bio. Alors, la table, c'est bon. La déco, nickel. Le gratin, ça cuit. Eh ben, parfait. Il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Gna, mes amis qui mangent debout. Non, mais j'ai que 4 chaises, alors... Eh ben, t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non ? Je vois pas le rapport, là. Allovoisin.com ? Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com, c'est très utile, un voisin. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. Jusqu'à dimanche, profitez d'une offre exclusive. Bénéficiez d'un bon d'achat de 5 euros pour tout achat de 50 euros minimum. Géant pour votre pouvoir d'achat, c'est jusqu'au dimanche seulement. Et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur tout le magasin du 6 au 12 juin. Voir conditions en magasin. Kia. Voilà, les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire Kia. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Vivez Roland-Garros 2016 en direct sur RTL. Et Isabelle Langer, c'est la demi-finale avec entre autres le match Wawrinka-Murray. Oui, le tenant du titre Stanislas Wawrinka qui a abandonné le premier set au profit du numéro 2 mondial Andy Murray. 6-4 pour Murray dans le premier set. Il a fait le break d'ailleurs d'entrée de jeu dans la deuxième manche et il mène déjà 2-1. Il a 2 balles de 3-1. Sur le court, Suzanne Lenglen, Novak Djokovic a remporté les deux premiers sets 6-2-6-1 face à l'Autrichien Thiem. Mais c'est le jeune Autrichien qui mène dans le troisième set 3-0. Il s'est emparé du service de Novak Djokovic. Puis il y a du beau monde cet après-midi, Virginie, à Roland-Garros. J'ai vu, j'ai vous ferai la bise d'ailleurs de ma part à Leonardo. Ah, vous l'avez vu, hein. Oui, je l'ai vu. Ouais. À tout à l'heure, 17h. Je vais le faire de ce pas. À je tout à l'heure. Sur vous. Quoi? Allez, jusqu'à 18h, les grosses têtes, c'est pas mal non plus, avec Laurent Ruquier et Pierre Vénichoux. Un petit nouveau, le comédien Thomas Soliveres, Christine Bravo, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni, puis Roselyne Bachelot. Vous voulez revenir sur le zouave du pont de l'Alma, monsieur Bénichoux? Non, je ne veux pas revenir dessus. Enfin, si ça lui fait plaisir, je reviens. Expliquez-nous le zouave du pont de l'Alma, monsieur Bénichoux. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment, alors? On calcule la montée de la Seine à la hauteur sur laquelle l'eau monte sur les jambes. Mais il n'a pas les pieds au ras de l'eau. Oui, mais alors il y a un truc, c'est que... La statue a été remontée. Donc en fait, quand on compare avec la crue de 1910, eh bien l'eau est en fait beaucoup plus haut actuellement. Pierre, de toute façon, vous n'habitez pas sur les quais. D'ici à ce que l'eau arrive jusque chez vous, quand même, il y a de la marge, non? C'est marrant, moi je laisse le domestique dans les premiers étages. J'habite très haut. Avant, on mettait les chambres de bonne. Oui. Depuis 1910, on met les chambres de bonne en bas. Et nous, les aristocrates, nous habitons dans le dernier étage. Il y a une pensée pour tous ces Français qui nous écoutent et qui sont justement les pieds dans l'eau, même. Mais à quoi ça plus sert les pieds, hein. À quoi ça sert? Ils ne peuvent pas faire marcher l'électricité. La radio ne marche pas là-bas. Non, la radio. Ça marche avec des piles, hein, la radio ne marche pas à l'électricité. Ne lui dis pas ça comme ça. Il n'y a plus d'électricité au château de Chambord, par exemple. Ben oui, j'ai mon cousin qui m'a dit on est emmerdé. mon cousin, c'est Marcel Chambord. Vous ne connaissez pas? Non. Il habite le château, c'est à lui, hein, le château. Marqué dans les châteaux, ils avaient l'habitude de s'éclairer à la bougie. C'est vrai, à l'époque. Mais là, sauf qu'aujourd'hui, il a fallu aussi virer toutes les tapisseries et faire attention aux œuvres d'art. Le Louvre aussi est déménagé. Les sous-sols, ils déménagent les. La Joconde commence à avoir un sourire humide, paraît-il. Ils ont mis des palmes au cas où. La victoire de Samothrace, c'est pas nager, hein, je veux dire. Remarque Philippe Croison a traversé l'Atlantique. Non, c'est surtout la Vénus de Milo qui peut pas nager. Ah oui, c'est. Pardon. Tu t'es gouré, la victoire de Samothrace, elle a pas sa tête, elle. Elle est un peu comme toi. Et comment on va faire pour respirer sous l'eau? C'est quand l'origine du monde va commencer à mouiller que ça va nous faire drôle. Monsieur Ruquier, ça c'est culturel et efficace. Voilà. Eh bien justement, j'ai une autre question pour Jean-Pierre Charvolin qui habite Bouc-Bélair. Alors la question concerne la jeune femme qui fait la une de lui ce mois-ci. Il s'agit d'Audrey Fleurot, très belle actrice rousse. Vous avez joué déjà Thomas Soliveres avec Audrey Fleurot? Moi j'ai joué dans Intouchable, mais je jouais pas avec elle. Tu l'as pas touché? Non, je suis désolé. Parce qu'elle est magnifique. Oh là là. Ah oui, Audrey Fleurot, magnifique. Alors, elle ne dévoile qu'un sein à la une de lui. Oh, merde. Ah, mais il en vaut deux, hein, franchement. Hein. Ah oui, elle est très jolie. C'est Frédéric Becbédé, évidemment, qui lui a demandé de poser à la une de lui, puisqu'elle joue dans son film qui va sortir là le 15 juin prochain, L'Idéal, hein, une parodie de L'Oréal et du monde de la beauté. Je veux dire que c'est assez drôle. Et Audrey Fleurot fait donc partie maintenant de la longue liste des vedettes du cinéma, de la chanson, qui ont posé à la une de lui. Mais ma question concerne justement la première fille, la première femme qui a posé en couverture de lui pour le numéro 1 le 1er novembre 1963. Qui fut la première actrice, chanteuse à se dévoiler nue à la une de actrice lui? Actrice et chanteuse? Oui. Française. Marie Laforêt. Marie Laforêt, non. Bardot? Bardot, non. Oui. Ah ben c'est la vieille. Laquelle? Eh ben la vieille, c'est pas comme ça. Jeanne Moreau? Jeanne Moreau, non. J'ai jamais posé de nu dans lui, alors. Pierre, vous avez tous les numéros, vous devriez vous en souvenir. Mais donc c'était en 63. Ah oui, en 63. Elle était dans, elle faisait partie des yéyés, de ce qu'on appelait à l'époque les yéyés. Non, elle a jamais vraiment fait partie des yéyés, je crois. Elle est encore en activité? Alors aujourd'hui, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Elle vit encore, en tout cas, mais évidemment, elle est un peu plus âgée. Elle ferait pas Valérie Lagrange. Valérie Lagrange, excellente bravo. Réponse bravo. De Pierre Bénichou. Alors là, chapeau. Mais d'où vous nous la sortez, Valérie Lagrange? Vous avez raison, il a tous les numéros. Balzac 22-22. Non mais ça, c'est incroyable, Pierre, non, c'est bizarre, quand même. Ouais. Parce que je me souviens de la... elle pose dans le foin. Ben oui, elle était dans le foin, ben, c'est normal, elle s'appelle Lagrange. Mais c'est con. Elle était photographiée par son mari. Valérie Lagrange. On a une chanson, un tube de Valérie Lagrange, parce qu'elle a chanté aussi. Je suis allée au nord. Ça m'a pas les je suis allée à l'est, merci. Je suis allée à l'ouest. Elle avait une belle voix. Je suis allée si bas, je pensais plus monter. Je suis allée si haut, je pensais plus tomber. J'ai vu des gens si riches qui ne savaient plus donner. On se souvient quand même de cette chanson. Non, années 80, si. Ah si, ouais. Ça a marché, ça. Qu'est-ce qu'elle est? Elle a une beauté d'une modernité, regardez bien, on croirait Laetitia Casta. Ah oui, vous trouvez? Elle est sublime. On voyait rien à l'époque, hein. Elle était nue, mais enfin nue, nue en montrant uniquement les jambes. Hein. Je peux voir l'autre là, la dernière nue. Ah, Audrey Fleurot. Là, on voit un sein carrément. Ah, là. Alors là, oui, c'est plus pareil, là. C'est une vraie rousse, j'ai à le dire. Pour Audrey Fleurot. Ah, mais on le voit. Intéressant. Mais comment vous savez ça, vous? Je peux pas tout vous raconter. On le voit dans le journal, oui, en bas de page. Ah oui, il reste des poils. Ça a fait sensation sur Twitter. C'est vrai. On le sait parce que ça sent dans tous les kiosques. Le lendemain de la sortie du magazine, Rafael Nadal s'est fracturé le poignet. Non, mais ça veut rien dire parce que ça se teint, ces trucs-là. Elle est belle, Valérie Lagrange, en tout cas. Oui, oui, oui. Ça se teint. Bah, il sait pas que ça se teint, la touffe. Bien sûr, ça se teint. Même en bas, je veux dire. Mais bien sûr, même en bas. Beauté de Christine, bravo. Ouais. Je suis allé faire mes mèches. Mais comment ça se teint? C'est pas chez le coiffeur, vous demandez pas de vous faire. Chez l'esthéticienne. Ah bon? Te teint, oui, bah oui. Oui, chez les esthéticiennes. Non, mais vous connaissez rien. Vous faites teindre la touffe, vous. Non. Mais il y a des femmes qui... Oh, enfin, arrêtez. Oui, donc... c'est un calvaire pour l'homosexuel. Mais que Roselyne, ils sont vraiment trop cons. Ne mêlez pas Roselyne Bachelot à ça. Si. Oh si, mêlons là. Des histoires de teinture de touffe. Mais moi, j'aime bien écouter Christine parce que j'apprends des tas de trucs. Oh non, bah, ça y est, elle va me le jouer qu'elle sait pas. Ah non, mais non. Même les Américaines font des cœurs roses à la place pour la Saint-Valentin. Évidemment. Ouais, c'est bien. Ou un petit sens interdit. Vous vous êtes tatoué I love Fillon juste au-dessus. Non, ça c'est derrière. C'est derrière. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Géant, c'est le mois bien fait pour vous chez Géant. Ce week-end, profitez d'une offre exclusive. Jusqu'à 30% de remise en bon d'achat sur une large sélection de télévisions. Géant pour regarder les matchs de foot de l'été ou sa série préférée. C'est ce week-end seulement et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur tout le magasin du 6 au 12 juin. Voir conditions en magasin. Demandons à Mathias de Roubaix son avis sur la tirelire de 10 millions d'euros du PMU à gagner le 5 juin lors du prix du Jockey Club première étape des Epic Series. C'est génial! C'est fou ça! C'est... Merci Mathias. La tirelire de 10 millions d'euros du PMU vous a laissé sans voix, non? Vous aussi, le 5 juin, tentez de gagner la tirelire de 10 millions d'euros du PMU pour le prix du Jockey Club Epic Series. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Oh là là, balle de match pour le français. Mais oui, il sert et... C'est le grand retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les 6 steaks à griller Origine France sont à 6,99€ le kilo chez Netto. Avec l'alerte discount spécial frais, on est toujours bien servi. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine une étoile, 900 grammes environ. Soche présente. Et tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super, j'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Vichère est bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la Vichère. Règlement du jeu modalité. Magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Dans le grand studio de RTL, voici les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question géographique pour monsieur Rémi Virlouvet qui habite Paris 2e. C'est dans le journal gratuit 20 minutes qu'on nous conseille de passer un week-end dans cette ville accueillante qui nous attend. Je vous lis l'article très exactement. À l'ombre des Pyrénées, cette ville cernée à l'ouest par le massif du Canigouder. Tiens, je vais vous la faire façon Julien Lepers ou Samuel Etienne. Vous m'interrompez dès que vous avez évidemment trouvé le nom de cette ville. Cette ville cernée à l'ouest par le massif du Canigou, à l'est par la Méditerranée, possède des atours naturels déjà très séduisants. Luchon ? Non. Capitale du Val-Espire, l'agréable petite ville dont les premières traces remontent au 9e siècle, a beaucoup à offrir. Bagnouls ? Non plus. Au début du 20e siècle, elle a séduit des artistes, parmi lesquels Picasso. Collioure ? Non plus. À deux pas de l'Espagne, dont il est exilé, Picasso a attiré et fait aimer cette ville à tous ses amis Braque, Manolo, Max Jacob. Saint-Cyprien ? Non plus. Après la seconde... Argelès ? Non. Après la Seconde Guerre mondiale, Soutine, Chagall ont séjourné dans cette ville des Pyrénées où on retrouve leurs œuvres. Pardon ? Céret. Céret. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah non, on distribuera pas un chèque aujourd'hui, c'est sûr. Ah oui, ça. Ne parlez pas sur les coups. Ah oui, c'est vrai. C'est comme aux cartes. Céret, vous connaissez Céret? Oui, bah oui, c'est un peu ma région. Puis quand on va vers l'Espagne, on passe. Et pourquoi on parle de Céret en ce moment? Non, parce que les premières cerises gorgées de sucre vont arriver depuis Céret. Oula, mais vous auriez pu trouver ça quand même. Non, Céret, je connaissais pas. Il y a des. Et alors, elles vont arriver sur le marché là? En ce moment. Quoi ? Les cerises. Les cerises. Ben en ce moment, là, je vous dis pas là à 5h moins le quart, mais si le train n'est pas en grève, elles sont là à 12h15. Voilà. Demain, exactement. Moi, je connaissais un marchand de fruits à Paris, rue de Grenelle, qui vendait les premières cerises. Savez-vous à quel prix ? Non. 3500 francs le kilo. Et alors ? 3500 francs nouveaux. Vous êtes fait avoir, monsieur Bénichou. Comment ça, 3500 francs nouveaux, ça n'existe pas ? Non, mais enfin, ça fait des plombes. Mais quoi. Tu nous parles de quel temps? C'est sûr que c'est pas... Il nous parle de l'après-présidentiel quand le Front National sera revenu parce que. Les nouveaux francs, franchement. J'ai parié. C'est des francs CFA, non? Un de mes amis m'a dit, voilà, c'était 3500 francs le kilo. J'ai dit, mais t'es fou. Tu veux dire? Oui, 35 oui. francs? Oui. 350 francs maximum? Non, 3500. Je suis allé dans ce truc-là. Ils m'ont dit, oui, il y a une quinzaine de jours, nous avons les premières cerises et nous les vendons à ce prix-là. J'ai dit, mais à qui ? Ils disent, à des gens qui viennent acheter pour amener dans des hôpitaux, apporter dans des hôpitaux des cerises à des gens qui en veulent, et ils achètent par 3 ou 4 cerises. Donc ces 3 ou 4 cerises, ça fait 10 grammes. Ces 10 grammes, c'est 35 francs. Ça fait cadeau de ces... Tu confonds pas avec la coke? Non, la coke, t'as 35 balles les 10 grammes, là, t'en jettes tout de suite. C'est n'importe quoi. Mais ce oui, que vous je vous jure que c'est vrai. Mais enfin, il n'y a pas parce des que gens. J'ai perdu ce pari. Enfin, et que le type m'a donné cette explication. Mais vous êtes fait couillonner par des copains escrocs, c'est pas possible. Pas du tout. J'imagine pas. Ils m'ont dit, le marchand et la marchande. Le marchand et la marchande. Comment on dit? Et après, vous avez joué à ma commoulage. On dit marchand et la marchande, on dit pas quoi, le taulier et sa gondesse, madame. Oh Laurent, vous avez joué à ma commoulage. Bah oui, j'ai joué à ma commoulage. Enfin, le marchand et la marchande qui vous vendent des cerises 3500 francs le kilo. Ils me vendent pas, je dis, est-ce que ça existe? Oui, c'est une information extraordinaire que je vous donne. Ah oui, c'est récent. Alors, mais oui, c'est récent. Il y a 5 ans, bon. Il y a 5 ans, il y a encore des francs. Peut-être 10. Bon, écoutez-moi. Je sais que c'était ce prix-là. Alors, après ça, je téléphonais chez Ediard et chez Fauchon. Ah! C'est même plus cher, ils m'ont dit, chez Fauchon. Ah ben on va les appeler, on va vérifier tout de suite. Est-ce qu'il y a... On va trouver le numéro là, de Fauchon ou Edia, et puis on mais va leur dire. Mais ils ne viennent plus, ce temps-là. À la limite, vous m'auriez dit, oui, ça se vend 3500 francs le kilo pour des émirs, je ne sais pas où, et tout ça. Mais alors, en plus, maintenant, vous me dites que pour distribuer dans des hôpitaux. Non, ah, pour distribuer par 3 ou 4. Oui. Mais non, pas du tout. Les gens qui viennent disent, tiens, cette femme est enceinte, elle voulait des cerises, une envie de cerises. Il en a acheté 5. Ah, ça sonne chez Fauchon, hein. On est en train d'appeler. Allô ? Fauchon, bonjour, Pascal à votre service. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle pour les grosses têtes. On voudrait juste vérifier quelque chose. Je suis avec madame Bachelot, avec madame Bravo, monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou qui prétend que les premières cerises qui arrivent, là ça doit être l'époque, elles vont arriver les premières cerises. Je ne sais pas si vous en avez déjà des cerises, vous ? On vend plus de fruits en boutique, hein. C'est un problème. Ah ben voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est la bérésina. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah voilà, non, alors. Le caviar. 3 grains, je voudrais. 3 grains. Ça fait combien de temps que vous vendez plus de cerises? Oh, les fruits et légumes, on a arrêté il y a peut-être 3 ans environ. Ah, bah peut-être vous avez des souvenirs quand même. Vous étiez déjà là, vous, il y a 2-3 ans? Oui, j'étais déjà là. Ah, bah alors très bien. Combien se vendaient au kilo les premières cerises qui arrivaient en magasin? Les toutes premières, les premiers jours. Je peux avoir un joker et demander? Oui, bien sûr, allez-y, appelle à un ami. Merci. Oh, c'est une sacrée soirée. Oh, combien étaient vendues les premières cerises? A, 3500 francs. C'est mon dernier an. Merci de bien vouloir patienter. Moi, alors, si vous voulez voir un mec confiant, vous regardez Pépère. Qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Allô ? Bonjour, le rayon traiteur, Olivier, bonjour. Bonjour, monsieur. Assez-vous le spécialiste de la cerise chez Fauchon ? Pas du tout, mais en tout cas, j'ai vendu des cerises il y a quelques années. Donc, oui. Combien kilos, est-ce que vous vous souvenez ? Les premières. Alors, là... Les toutes premières qui arrivent sur le marché. C'est un prix qui me semblait exorbitant. Les plus rares quand elles arrivent, les toutes premières que les gens s'arrachent. On en a eu... À 20 euros le kilo. 20 euros le kilo. Oh, les cerises de merde. Donc, vous remercie pour votre réponse. Merci, et passe dans la cerise, monsieur Bénichou. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rosé de Loire 2015, les Charmerets à 3,80€, la deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite, mais c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75 centilitres, soit 5,07€ le litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Votre lave-vaisselle vous rend service tous les jours? Alors faites-lui plaisir. En ce moment, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un maxi-pack de 38 tablettes tout en un Ultimate Sun, le second est à 0€ au lieu de 7,80€. Mais c'est jusqu'au 5 juin seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Chantier neuf ou réno, pour les pros, c'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne, c'est signé Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux, c'est signé Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. J'ai eu, ben oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France, à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable. Un point, c'est tout. Y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Bah, pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui, Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends, toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerais toute l'année, oui. Surtout les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux... Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Allez, maintenant sur RTL, on passe au noyau dur des grosses têtes. RTL. La valise. L'habitude de me fâcher, mais là, quand même, c'est trop. Monsieur Benichou, ça va. Il fait penser sa prostate pour une fâcherie. C'est pas possible. Pendant la valise RTL, il faut qu'on explique à Thomas Olivares, qui fait ses débuts aux grosses têtes aujourd'hui, que Pierre Benichou s'absente toujours. Ouais, pendant, oui, j'ai bien compris. Pendant la valise. Il va secouer les cerises. Il trouve. Alors attention, dans la valise RTL, 1063€, le tout nouveau Whistiki, designé par Stark. Un Whistiki, c'est le moyen de retrouver ses clés de façon, on va dire, géolocalisée. Et puis un ensemble de valises Davids aussi dans la valise RTL. Trois valises de tailles différentes, rouges aux couleurs de RTL. Voilà ce qu'il y a dans notre valise RTL. Roselyne Bachelot, c'est à vous que je vais demander un numéro entre 1 et 20. Et c'est vous qui allez appeler notre auditeur. Vous êtes d'accord? Très bien, oui. Le 4. Le 4. Il s'agit d'Anthony Gaulin. Monsieur Gaulin habite Sourcieux-les-Mines, dans le Rhône, rue de la Source à Sourcieux. Dites donc, ça fait beaucoup de sources, tout ça. Et on espère que monsieur Gaulin, Anthony, Tonio, peut-être, vous pouvez t'appeler Tony. Faites comme vous voulez, Roselyne. Anthony. Hein. Ça sonne chez Anthony. La personne que vous essayez de joindre et n'est c'est pas c'est très dommage pour Anthony Gaulin. Laissez un petit message. Bonjour Anthony, c'est Roselyne Bachelot, les grosses têtes. Et vous aviez la possibilité de gagner beaucoup d'argent, un Whistiki et... Un Whistiki et à dire, pas un Whistiti, un Whistikiti. Oui, enfin, voilà. Un truc qui permet de retrouver ses clés. Voilà. Et puis en plus des valises. Mais et comme des vous avez, valises. Vous avez perdu la première et valise. Et 1063€. Ben, c'est surtout ça. Et j'aurais eu l'occasion de vous embrasser par téléphone. C'est vraiment dommage. Hein. Voyez Pierre, on a perdu la valise pendant que vous étiez parti. Quel terrible, drame. Ça, vraiment. Ouais, porter la cerise avec ce truc. Ah, ça fait trois fois qu'on fait la même blague, Pierre. Hein. Ah, c'est vous maintenant qui distribuez les... Oui, absolument, les bons points et les mauvais points. Non, mais vous êtes dans une période... Vous allez voir, je vais vous fouetter. Vous êtes dans une période d'essai, là, et vous distribuez les... Vous croyez qu'elle peut revenir au gouvernement? C'est possible, ça? Ah, si elle m'écoute, oui. Ah oui. Dans le rôle de conseiller politique, Pierre Bénichou, vous allez voter pour qui à la prochaine présidentielle, Pierre? Ben, je vais voter pour mon président, que j'aime. Et qui s'appelle François Hollande. Ah, et qui n'a jamais dit. Qui... Ah, c'est toi! Y en a mes amis qui votent pour Hollande! Non, c'est mais. Toi. Le... Putain, on le tient, le mec! Qui n'a jamais démérité. Voilà. Jamais on démérité, va le mettre sous cloche. Contrairement à tout le pantin, tout ce que vous avez servi à genoux. Monsieur. Ça veut dire, ça, pour qui je vais voter? Le vote est secret chez nous! Voilà, hein, pour qui votait-on, oui, c'est ça. Pour qui mettait-on? Et il paraît qu'elle faisait un succès au gouvernement. Pour qui votait-on? Vous êtes gaulliste, vous. Oui. Vous voyez De Gaulle avec un engin comme vous. Alors, qu'est-ce oui. qu'il en est? Je le vois très bien. Le général a embrassé Roselyne Bachelot. Je le vois quand très elle était bien. Bombe, quand elle était bombe. Parce qu'il c'était un truculent, le général. Il ne dédaignait pas la gaudriole. Alors justement, j'avais une question sur le général de Gaulle, avant 17h, pour Sylvie Perrotin, qui habite Lagor, en Charente-Maritime. Le dimanche 21 décembre 1958, une date que vous connaissez forcément, Madame Bachelot. Charles de Gaulle est élu président de la République dès le premier tour. Il y a 81 290 votants sur les 81 764 inscrits et 79 471 suffrages exprimé. Charles de Gaulle obtient 78,51% des voix. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ? Certes. Charles de Gaulle. Mais quels étaient les autres, c'est ça ? Effectivement. Qui a le deuxième score à cette présidentielle de 1958 ? Antoine Pinay ? Antoine Pinay, non. Il y avait Gérard Leclerguillet ? Non. Enfant ? En 58. Alors, il y a quelqu'un qui était du parti UFD, qui s'appelait Albert Châtelet, qui a obtenu 8% des voix. C'était un communiste hein. Mais derrière, exactement. Maurice Thorez. Maurice Thorez, non. Duclos, non. Valdez-Crousseau, non plus. 13%. Valdez-Crousseau, oui. Alors, De Gaulle, 78%, et derrière, c'est effectivement un communiste avec 13% des voix qui s'appelait... Benoît Frachon. Mais non. Mais non. Il est connu Ah, fallait pas parler de De Gaulle. Hein. Il est connu ou pas? Ah bah, il est connu. Moi, je connaissais vaguement son nom, c'est vrai. Alors, si vous le connaissez vaguement, ah bah oui. on est bien barrés. Bah, on est aux fraises. J'étais pas né en 58, on n'est pas aux fraises, on est aux cerises, même. Communiste avec 13%. Ah non, vous connaissez son nom. Oui. Mme Bachelot, M. Benichou, M. Perroni. Bon, on va pas demander au petit Solivares. Non. Hein. Non, vraiment, ça va. En 58, alors là, vraiment... T'aurais déjà vu, toi, le communiste? Ça, c'est beau. C'est pas mal décroché, non? Ah, c'est non. Pas normal, ça va le décrocher, j'en connais un, mais... Attendez, est-ce que c'est un nom composé? Ah non, pas du non. Tout. Bon, alors je m'étais trompé. Oh, je vais vous aider à aller avec son prénom, si vous voulez. Georges, il s'appelait Georges. C'est pas Georges Marchais, évidemment. C'est pas Georges Marchais. Ben on est en 1958. Charles de Gaulle, pour l'UNR, obtient 78,51% des suffrages. Et derrière lui, avec 13% des voix, c'est un communiste. Il était gentil. Ah oui, il était gentil, je le connais pas. Il était né à Louviers, vous voyez. Mm-hmm. Il est mort à Fleury-Mérogis en 1976. Ah, il est en prison. Georges Masséry. Non, non. Georges Masséry. Il a été ministre de la Santé publique dans le gouvernement Paul Ramadier en 47. Dieu. On va donner 300 euros. Monsieur Gazan, rien là-dessus. Hein. Alors là, non, là, je cherche. Mais vous, genre, vous connaissez son nom de famille. Oui, bien sûr. Et Roselyne Bachelot, normalement, vous êtes gaulliste. Oui, vous auriez dû. Je devrais le savoir. J'ai un peu honte, même. Ouais. Et puis, il l'a précédé à la santé. Le rouge me monte aux joues. Ah oui, en plus, ça a été un de vos prédécesseurs oui, à la santé. C'est marrant, il y en a eu un paquet. Mais c'est marrant qu'il l'ait précédé à la santé et qu'il soit mort à Fleury. Ça, c'est bizarre. C'est vrai. Georges... Guettari ? Oh non, pas Guettari, non. Georges Montavon ? Non, non plus, non. Ah, vous avez l'initiale, remarquez. Je vous aide. C'est quoi l'initiale ? M. Mme Bachelot, vous me mais décevez. Oui, je sais bien. Tout sais sur bien. Othello et rien sur et De Gaulle. Et rien sur Georges M. C'est pas Macron ? Non, Macron, bah non. Y a non, mais Georges... Il y a Mandel, mais c'est pas Mandel. Il pourrait s'appeler Mandel. Il était mort. Bah oui, oui. Il est mort à 88 ans, en plus. Vous voyez quand même, il est resté longtemps en politique. Georges Moustaki ? Non. Bon, voilà, dans 30 secondes, on va donner un chèque à Madame Perrotin, qui habite Lagor, en Charente-Maritime. Et elle va être contente, Madame Perrotin, de gagner, grâce à un communiste, 300 euros, vous voyez, hein? Ah, oui. C'est Monouri. La redistribution des richesses. Monouri, non. Non, ça aurait pu, mais non. C'est pas communiste. Mais non, ça aurait pu. Pierre, tu dois le connaître. Ah, je suis sûr que quand je vais dire le nom, Madame Bachelot et Monsieur Bénichou vont faire, vérifiez bien, vous allez voir leur réaction quand je vais leur donner leur nom après la cloche. Et voilà, De Gaulle a effectivement gagné cette présidentielle en 58 très largement, hein, dès le premier tour, avec 78% des voix et 13% des voix pour le second, c'était Georges Marane. Georges Marane. Jamais entendu parler. Alors là, jamais entendu parler. Marane. Ah, moi non plus. Donc ils n'ont pas fait... Oh. Vous pouvez nous le faire quand même pour le montage oh. Allez, on se retrouve après les infos. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de taches. Le sérum éclat anti-tache Gine Perfect Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les taches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Vinoperfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans tache, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Vinoperfect acheté, un soin solaire IP50 offert, en pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? En primeur, de Noirmoutier. De Lidl ou de Noirmoutier ? Des deux. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils font les pommes de terre primeur de Noirmoutier à 1,79€ le sachet d'un kilo. Oh purée ! De la belle, de la bonne pomme de terre de qualité avec un goût légèrement sucré. Le top quoi ! Pour seulement 1,79€ le sachet d'un kilo. Oh, t'arrêtes de faire l'article, oui ? Désolé, je sais, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, variété Sirtema ou Lady Crystal selon magasin. Catégorie 1, calibre 35-55. Hey, hey. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire Kia. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. RTL. Toujours avec vous. Il est 17h. Et c'est Yann Bouchery pour les infos. Bonsoir à tous. Alors que le pic de la crue est attendu dans la soirée à 6,50 m, les premières inondations de logements ont été enregistrées à Paris dans des rez-de-chaussée du 16e arrondissement, notamment des caves et des parkings sont sous l'eau. Évacuation envisagée sur l'île de la Jatte, sur l'île Saint-Germain et au camping du Bois de Boulogne. Dans les transports en commun, la soirée s'annonce complexe pour les franciliens. La station Saint-Michel du RER B est fermée, tout comme l'arrêt Saint-Michel de la ligne 4 du métro, idem sur la ligne 10. Les rames ne marquent plus l'arrêt à la station Cluny, la Sorbonne. Des infiltrations ont aussi été constatées à la station Pont-Neuf sur la ligne 7. Élodie Guillard, depuis le début de l'après-midi avec la moto RTL, vous nous faites vivre cette montée des eaux à Paris avec de l'anxiété chez les habitants les plus proches du fleuve, mais un grand spectacle aussi pour de nombreux badauds. Ah oui, tout au long de la Seine, hein, des dizaines et des dizaines de personnes, toutes générations confondues, s'arrêtent pour filmer, prendre des photos, discuter aussi avec les habitants des péniches ou avec les salariés de la ville de Paris. Chacun y va de son commentaire, pose des questions et reste là à admirer parfois de très près cette Seine qu'ils n'ont jamais vue dans cet état. Aurélie descend tout juste de son vélo. Il y a des déchets partout, le long d'une maison. On voit encore des panneaux de signalisation des berges. Et c'est impressionnant et je suis en même temps émue, attristée et inquiète. Voilà, il faut dire que les badauds ne se lassent pas de ce spectacle, hein, qui évolue minute après minute. À gauche, ce sont les cygnes, à droite, les barques devant les troncs d'arbres défilent sans cesse sous leurs yeux. Merci Élodie Guillard. Attention, le trafic sera interrompu sur toute la ligne C du RER à partir de 20h et il restera fortement perturbé au moins jusqu'au lundi 6, inclus des intempéries aux conséquences catastrophiques pour le réseau SNCF. C'est ce qu'a précisé son président Guillaume Pépi. Bernard Poirette, vous allez revenir évidemment sur ces inondations dans le journal de 18h. Tout à fait, à 18h20 nous aurons comme invité Madame le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Elle va passer la soirée avec les réfugiés de sa commune. Deux quartiers sont complètement noyés et les réfugiés sont logés dans des gymnases. Merci, merci Bernard. Le mouvement de grève a été reconduit ce vendredi en Assemblée Générale à la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique. En revanche, reprise du travail décrétée à 62% par les salariés du dépôt pétrolier de Grandpuits-Gargenville dans les Yvelines. On passe au sport. Vivez Roland-Garros 2016 en direct sur RTL. Et on file porte d'Auteuil, on connaît l'affiche de la finale dame. Elle opposera Serena Williams à l'Espagnol Muguruza. Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir. Chez les hommes, Djokovic vient de se qualifier pour la finale. Oui, en 3 petits sets face à l'Autrichien Dominic Thiem, 6-2, 6-1, 6-4. Il faut voir le bonheur sur le visage du numéro 1 mondial d'accéder à sa 20e finale en Grand Chelem, la 6e consécutive, surtout dans un tournoi majeur. Et c'est seulement le 2e joueur à réussir à une telle performance. Roger Federer l'avait fait 10 fois de suite. C'est sa 4e finale à Roland-Garros, le seul titre du Grand Chelem qui manque encore à son prestigieux palmarès. Il espère que ça va arriver dimanche, mais contre qui ? Contre Andy Murray ou Stanislas Wawrinka ? Pour le moment, avantage à l'Écossais qui mène 2-7-0, 6-4, 6-2. Merci Isabelle Langer, Bernard Poirette, oui, vos invités. Je voudrais ajouter deux petits mots. D'abord, Alain Duhamel à 18h30 va développer l'idée qu'il faut savoir arrêter une grève. Bien entendu, il parle de la grève SNCF. Et pour nous changer complètement les idées, un autre monde, Georges Lang, 18h30. 55, l'homme des nocturnes de RTL. Son deuxième volume de Beach Party vient de sortir. On va se retrouver en Californie dans les années 60 et ça va faire du bien. Tout à l'heure. Merci beaucoup Bernard. On vous retrouve évidemment à 18h RTL. Il est 17h et presque 4 minutes. La suite des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Avec Christine Bravo, Roselyne Bachelot, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan et Thomas Olivares. Et la question porte sur Alain Juppé qui hier devant les... Bon ben je m'en vais. Devant les maires qui étaient réunis, c'est que tous les maires de France sont à Paris. Il paraît même qu'ils partent en goguette un peu le soir. J'ai vu un article du Parisien. Oui, ils se retrouvent en groupe, il y a des déjeuners, il y a des dîners. Oui, ils vont même dans des bars un petit peu... Interlope. Les bars montants. Oui, exactement. Les bars montants. Non, dans le Parisien hier, il disait qu'il y avait un maire qui avait dépensé une fortune pour... vous savez, les bars à champagne. Ça marche au bouchon. Il avait dépensé une fortune en bouteilles de champagne et était reparti, il n'avait même pas, comment dire... Consommé. Autre chose que du champagne. Mais pas la jeune femme. Mais vous parlez d'Alain Juppé, là ? Non. Tu vois, j'ai Juppé dans un bar à tute. Par contre, j'ai vu une photo où ils ont été chez notre ami Maillot. Ils ont été aux deux ânes. Voilà, mais c'est dans cet article. Ils sont plusieurs sur les ânes. C'est dans cet article que j'ai lu ça. Alain Juppé, lui, il est plus sérieux devant les maires. Hier, il a dit ce soir, je me rends au théâtre pour voir quoi justement, pour voir Tiberius Claudius César Germanicus Britannicus. Bonne réponse, c'est en ce moment la Comédie Française. Bravo Roselyne Bachelot, bravo Florian Gazan. Un petit résumé de Britannicus pour Christine Bravo. Non. J'avais raison. C'est un esclave. Son cas est désespéré. Un esclave Britannicus. C'est Spartacus. Mais pas du tout. La culture. C'est elle qui fait les jupons de l'histoire. Mais je connais enfin l'histoire. Mais vous n'avez pas vu Britannicus avec Kirk Douglas. C'est à la grand française. L'histoire. Alors, je connais pas l'histoire de la Rome antique aussi bien que je connais celle du siècle des Lumières. T'es marrant, toi. Enfin, quand même, Britannicus. Alors c'est un... Allez-y, on vous écoute. C'est un mec, il a un char. Ouf. Pas du tout, mais à qui prétend-on que je le sacrifie? C'est un empereur. La Grèce a-t-elle encore quelques droits sur sa vie? Et seul de tous les Grecs n'avait-il pas permis d'ordonner d'un coupable que le sort m'a soumis? Voilà. Oh, bravo, ça c'est chier. Bravo. Voilà, ça c'est bien. Il se souvient de ses racines. Hein. Tiberius Claudius César Germanicus, appelé ultérieurement Britannicus, est le fils de l'empereur Claude et de sa troisième femme, Messaline. C'est Messaline. Très méchante, Messaline. Messaline, c'est la maman de Britannicus. Je crois que c'était sa cousine. Et il est assassiné à l'âge de 14 ans. Ça, je ne savais pas qu'il était mort si jeune, Britannicus. Mais à l'époque, ça traînait pas. Assassiné à l'âge de 14 ans par son frère, l'empereur Néron. Néron. Ah oui, mais il était fou. Comment Néron, il était fou. C'était un bon vivant, il aimait la fête. Voilà, il aimait la fantaisie. D'ailleurs, dans la pièce de Racine, Britannicus, le personnage principal, ce n'est pas Britannicus au fond. C'est Néron et Agrippine, évidemment. Joué par Laurent Stocker. À la Comédie Française. Vous avez joué déjà des grands classiques, vous, Thomas Olivares? Non. Mais j'ai joué à Harold et Maude. Ah bah oui, c'est un autre classique plus récent, mais enfin. Mais non, j'ai jamais joué de grand classique comme ça. Non, c'est une belle histoire, Britannicus, quand même. Oui, belle, enfin. Bah si, quand même. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quand même, non plus. Si, quand même, franchement. Britannicus, une tragédie de Racine. Se faire assassiner par son frère adoptif, c'est quand même terrible, avouez quand même, non? C'est peut-être ça, la faute du lycée, ça nous a barbé très vite, en fait. Ah oui? Oh, il paraît que c'est très bien. Écoutez, Juppé y va, c'est que ça doit être drôle. Oui, mais parce que forcément, il y va parce qu'il y a Tiberius qui vote pour lui. c'est vrai que ça fait bien de dire je vous laisse, messieurs les maires, car ce soir je vais voir Britannicus. En fait, il y a des photos. Il était au Crazy Horse. Non, je crains qu'il ne soit allé voir Britannicus. C'est pas du genre à aller dans des bars l'Est, monsieur Juppé. Allez savoir. Moi, je tenais un bar l'Est et j'ai eu des clients. Tu peux pas imaginer. Ah oui. C'est vrai. Vous avez tenu un bar l'Est, Pierre? Ah, bien sûr. Et ça s'appelait comment? Chez Dora. L'exploratrice. Et alors, le client arrivait. Il y avait une fille qui était là qui disait « Tu payes une coupette, Alors on disait avec plaisir, mademoiselle, il venait là pour ça. Et alors elle parlait avec la barmaid et elle disait, au lieu de prendre deux coupes, pourquoi on prend pas une demi? Bah oui, au fond. Puis elle disait, merde, ils ont plus de demi, on prend une bouteille? Alors le mec disait oui, ça passait de 30 euros à 200 euros. Ça ah, c'est comme les gens, ça termine à 3500. C'est les cerises. Un coup des cerises. Au moment du kirsch, c'était le plus cher. Tu veux un guignolet? Non, il prenait une claque sur le chaud. Il y avait une autre fille qui lui faisait un clin d'œil. Un champagne avec une cerise. Il la suivait vers les toilettes, et là, il s'enfermait aux toilettes, il revenait, et il voyait trois bouteilles cuites en l'air, qui étaient dans le soie champagne. Il disait, mais c'est quoi ça? Et moi, je répondais, ces demoiselles ont eu soif. Alors, il me disait, mais j'ai pas commandé ça. Il dit, ta femme, elle est au courant que tu viens ici? Ouais, c'est ça. Alors, on en disait, il disait, non, mais c'est non, du mais... chantage. Ah oui, ah bah oui. Non, j'ai eu une enfance difficile. Ah bah non, mais je m'en doutais. J'avais déjà 14 ans, c'est très dur. Non, mais on sent que c'est du vécu, en tout cas. Ah bah cas. Oui, tout à fait. Non, j'ai jamais été taulier. Non, t'as été client. J'ai jamais été client à me faire mettre trois bouteilles de champagne. Non, mais t'es mais bien au courant quand même. Dans ce genre de bar. Dans ce genre de bar, tu bois un verre et tu vois un mec tout seul. En général, il a gardé son pardessus. Il est notaire à Aurillac et il subit les trois bouteilles, les machins. Il va faire un chèque de 2000 euros. Ouais, c'est affreux. Et il paye pour tout le monde. Personne ne le sait. Lui, ça lui il est a coûté là comme une ça. Poignée de cerises. Quoi. Ouais. Et là, il est là comme ça. Et quand il part, il dit « Ah non, non, 2000, c'est trop, je peux pas. Puis je peux pas faire un chèque. Puis ma carte bleue, ma femme va le voir. Il me reste... Alors, s'il dit 500 euros en liquide, on dit d'accord. S'il dit 100 euros, on dit « Ah bon ?» Ma femme n'est pas au courant. Oh, c'est affreux. Alors ben, elle va l'être. Alors il dit, non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Il tente de se sauver. Alors il sort, il y a Marcel, mon beau-frère, qui est videur. qui prend mais où est-ce ça, qu'on est parti c'est pas possible. Prend comme ça, qui lui met un doigt dans l'oreille et qui dit, tu m'entends bien? Il dit, non, le doigt dans mon oreille. Bon, comme ça, le doigt dans l'oreille, ça fait peur aux gens. Hein. Ah, je ne sais pas ça. Non, mais moi, ça me passionne, ce genre d'histoire. Moi aussi. Et le mec fait le chèque avant de partir. À cause du doigt dans l'oreille. Parce qu'il a peur, peur. Ouais. Il est tard, c'est la nuit, il a l'habitude de dormir à Aurillac à 9h30, il est 2h15 du matin, il a deux costauds dans un noir. Bon, il a Martin, mon beau-frère, qui lui deux costauds dans un noir. Oui. Mais quel détail. Et la barmaid qui dit, ta femme va le savoir. Et il se dit, ma femme va le savoir. Je vais me faire casser la gueule. Ma fille qui se marie dans 8 jours. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chèque. Eh oui. Et il dit, ça vous ennuie pas que je mette entreprise Dupont-Loup? C'est quoi? Il dit, bah, c'est un maçon avec qui j'ai des acquaintances. Alors les mecs vont chez Dupont-Loup, mettent le chèque. Oh là là, ce qu'il prend 1,8 million pour un chèque de 2000. Comme quoi, Juppé a raison, c'est plus simple d'aller voir Britannicus. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Baptiste. Oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 euros. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6, réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Des fissures, des affaissements sur votre maison? Stabilisez-la avec Uretec. La solution Uretec est rapide, économique et définitive, même sur zone sèche et argileuse. Quand ça s'affaisse, quand ça fissure, Uretec, le bon réflexe, c'est Uretec. Antivichère est bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Bah, pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui, Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends, toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerai toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux... chez Bouygues Télécom. Pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Il est 17h13, on prend nos bottes et nos cuissardes pour aller jusqu'à Saint-Cloud avec vous, Jérôme Bernardet, et l'arrivée des courses. Coucou Virginie. Coucou. T'es un très lourd effectivement à Saint-Cloud. Bah oui. Ça n'a pas empêché le 6 Lumberjack de remporter la 6e épreuve. 9,40, 3,60 devant le 3 Cozy Girl, 6 euros. 3e le 4 Aliaza et 4e la Skyorm. Tout son couru mais n'était que 7. 6, 3 et 4, la 6e. La 7e est revenue à son favori, le 8 Warrogan. 3,10, 1,70 devant l'As Tofwent, 2,50. 3e le 10, Aigues-Mortes, 7,80. Et 4e, le 3, Allez Malherbe. 8 à 10 donc pour la 7e. Il reste une 8e et dernière à se disputer. Les résultats complets, les commentaires, les pronostics pour demain samedi. Attention à Deauville et non à Maison Lafitte comme initialement prévu. Bien entendu, Maison Lafitte en bord de Seine. Et l'hippodrome, évidemment, non pas l'hippodrome, mais en tout cas les pistes inondées. Donc Deauville demain. Tout cela au 32-10. On refait les courses.fr. On a bien noté, Jérôme. À demain. À demain. Et sur RTL, on retrouve nos pétillantes grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Magali. Magali Lequeux est au téléphone. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce qu'il pleut du côté de Saint-Chély-d'Apché? Non, ça va. Pourtant, bon, avec un nom comme ça, ça mériterait quand même. C'est en Lozère, ouais. Pierre. Oui. C'est Lozère, c'est le département le plus pauvre. Ah oui? Après Mayotte. Non, je pense pas. On mais est loin peuplé de France, mais après, non, il y a une agriculture florissante. Je pense pas qu'on soit. Il y a une quoi? Une agriculture florissante. Oui, en vous plus, faites, vous faites sourd, la cerise. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Magali? Professeur des écoles. Ah, institutrice. Ah. Et voilà, vous allez peut-être, chère Magali, justement, pouvoir emmener quelques enfants chez Disney, à Disneyland ou Walt Disney Studios. L'hôtel Sequoia Lodge vous accueillera. Avoir... Qu'est-ce qu'il y a? Et d'en avoir ras-le-bol des mômes, je vais te dire, faut pas l'envoyer à Disney. Elle va en étrangler 10. Bah, écoutez, elle peut aussi passer une nuit avec son chéri, tranquille, à l'hôtel Sequoia Lodge. Ouais, hein, et puis venir nous voir rue Bayard à Paris après être passé par Marne-la-Vallée. Bien sûr, on adore les gosses. Nous, ouais, c'est la reine des Neiges, qui est évidemment à l'honneur actuellement chez Disney. Cette saison. Et à Disneyland Paris. Ben oui, mais c'est comme ça. Le défilé La Reine des Neiges, la féerie La Reine des Neiges, le spectacle Chantons La Reine des Neiges. Voilà le programme du parc Disney jusqu'au 18 septembre. Magali, voici la question. Je vais vous donner le nom d'une femme, Madame Odile Renaud Bassot. Elle vient de succéder à Bruno Bézard, qui lui-même avait succédé à Ramon Fernandez. Et c'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Lequel? On peut répondre? Ah, on va lui laisser 15 secondes. Mais Mme Bachelot sait, manifestement. La première. À la tête du Trésor. À la tête du ministère des Finances. À la tête du Trésor public. Bonne réponse, Magali. C'est, nous dit-on, un des postes les plus convoités de la République. Ah bah, c'est le plus payé. Un des plus disputés de l'administration française. Non, c'est pas le plus payé. Et c'est pour la première fois une femme, Odile Renaud Bassot, qui le 30 juin prochain va prendre les commandes de la direction du Trésor. Vous avez regardé ça sur Internet, Magali? Oui, j'avoue. Eh ben, vous avez bien fait, bravo, vous avez gagné. Elle était en concurrence avec deux autres femmes pour ce poste, Claire Vézan et Sandrine Duchesne. Et c'est elle, Mme Renaud Bassot, qui sera la première femme à diriger le Trésor. Vous le saviez, Rosemary? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est, ce boulot? Ah bah c'est une des directions les plus importantes du ministère des Finances. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu diriges le Trésor. Ah ouais. Mais où il est le Trésor? Oh. Ah, il est où le Trésor? Bah, tu creuses sur une île. Moi je connaissais un escroc. Qui vendait des cerises. Une autre belle histoire de Tonton Pierre. Il travaillait. C'est un escroc qui vendait des cerises à 3500. Non, mais je persiste aussi. D'accord, oui. D'accord. Bon, alors. Il travaillait aux impôts. Il avait un tout petit poste. Il recevait les chèques. 2300 euros. Trésor public. Ouais. Et il avait eu l'idée avec un copain à lui de créer une petite société qui s'appelait Trésor Publicité. Ah!

The Mamas and the Papas, la bande originale du film américain Graffiti, les Beach Boys, vous avez tout retrouvé sur la Beach Party de George Lang. Donc notez bien, dans la valise RTL, en plus des 1063 € du nouveau Whistiki et des valises Davids, il y a désormais le coffret CD Beach Party de George Lang. Une question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Laurent Goupil, qui est directeur commercial. Je ne vous dis pas de quoi, puisqu'il faut d'abord que vous trouviez, évidemment, ce qui a été inventé en 1965 par Léon-Claude Duhamel. Notez bien son nom, Léon-Claude Duhamel, en 1965, qui, à un moment donné, a été passé de mode et qui revient très, très à la mode. La preuve, c'est que Monsieur Goupil va nous en parler dans un instant au téléphone. Le hoopla-hoop. De quoi s'agit-il? Le hoopla-hoop? Non. C'est un Scooby-Doo. Est-ce que ça se porte? Ça se porte, oui. Un caouet. Bonne réponse de Thomas Olivares. C'est le plus beau jour de ma vie, là, je dois le dire. J'ai réussi à répondre à une question. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. En plus, Florent Gazan est juste à côté de moi et je suis ravi. Tu peux me toucher si tu veux. Oh yes. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, c'est devenu très tendance. C'est très, très à la mode. Il y a des boutiques Kawaii hyper branchées. J'en ai vu une à Venise. Il y a une boutique Kawaii avec. Oui, mais des... à Venise, c'est normal. Oui. Non, mais avec... c'est devenu très haut de gamme. Castelbajac en a fait. Alors, demandons à M. Goupil. Bonjour, Laurent Goupil. Bonjour, Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Kawaii, qui était devenu has-been, redevienne tendance? Il a été racheté il y a une dizaine d'années par un groupe italien qui a fait évoluer les collections. Alors, ils n'ont rien changé à l'ADN de la marque, puisque les codes de la marque de 65 ont été respectés, mais ils l'ont fait évoluer en termes de style. Ils l'ont rendu un petit peu plus séduisant, avec des coupes plus modernes et un peu plus techniques aussi. C'est ça, c'est rien changé. Si on change la coupe, on le fait plus séduisant. On change le tissu. On change la coupe. Il y a que le nom qui est resté. Et il est en cuir maintenant. Oui, il existe en cuir aussi, ouais, vous avez raison. Est-ce que vous êtes parent avec un monsieur Goupil, avec qui j'étais en classe et qui était le champion de handball? Mais il y en a plein. Je pourrais pas vous dire, mais. Non, vous pouvez me dire que. Vous le sauriez, monsieur Goupil. Oui, mais Vous êtes impressionné par nous, c'est normal. Bah oui. Mais normal, vous nous prenez pour des cons, vous dites rien n'a changé dans l'ADN. D'abord, cette façon de parler d'ADN pour dire les origines. Mais pourquoi t'es passé par le handball? Dans l'ADN du cas. Pourquoi l'ADN du cas. Quelqu'un peut le replier en boule? On nous dit qu'aujourd'hui, Jean Dujardin, Philippe Lelouch sont venus spontanément dans les boutiques pour acheter leur Kawaii. Mais alors, est-ce qu'ils se roulent en boule comme avant? C'est ça que je veux savoir. Alors, le modèle d'origine qui a conservé l'ADN, quand on déplaise à monsieur, oui, il se plie toujours en boule. Et après, il y a une évolution de collection qui a été faite par nos amis italiens qui, lui, le produit ne se plie plus en boule, mais on a gardé volontairement un petit clin d'œil émotionnel avec le modèle d'origine. Ouais. Mais comment vous faites pour le boulet mouillé? En fait, il est fait pour être il va te répondre. De le prendre avec soi au cas où il pleuve. Parce qu'au départ, en fait, ça s'appelait pas Kawaii, ça s'appelait Anka 2. Et on le prenait au cas où il pleuve. Évidemment. Commencez par là, le reste, on le savait. Bah voilà. Dites, ça vous dirait pas de sponsoriser Roland Garros plutôt que ce soit marqué BNP derrière les joueurs? Franchement, Kawaii, ça serait pas plus mal, non? C'est vrai que ça serait très très bien parce qu'il y a un rapport avec le sport quand même. Hein, donc ça pourrait être une idée à retenir pour l'avenir. Ouais. Moi, j'achète toujours mes Kawaii au vieux campeur, vous connaissez? Il y a de l'argent, Pierre Benichou, pour aller au vieux campeur. Pourquoi vieux campeur? C'est cher le vieux campeur. C'est là où il achète ses cerises. C'est cher le vieux campeur. C'est hors de prix. Moi, ça me semble vraiment donné. On ne doit pas avoir les mêmes ADN. Ceci dit, Kawaii, c'est plus trop donné, c'est devenu quand même très. Faut dire que c'est normal qu'il aille dans un magasin pour vieilles tantes. Sauf que celle-là, elle se déplie plus. Hein. On vous remercie, monsieur Goupil. Je vous en prie. Écoutez, une bonne journée. Vive le Kawaii et bon anniversaire. Enfin, je dis anniversaire, c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, c'est vrai que ça revient à la mode depuis 1965, date de l'invention par Léon-Claude Duhamel. Il fallait lui rendre hommage. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Mathilde Thomas, expliquez-nous le succès du sérum anti-tâche Vinoperfect. Autrefois, les jeunes femmes dans le vignoble s'enduisaient le visage et les mains de sève de vigne pour enlever les taches et éclaircir leur teint. La recherche Caudalie a découvert dans cette sève miraculeuse un principe actif naturel surpuissant qui s'appelle la viniférine. Surpuissant ?

Alors il lui dit, je suis obligé de vous laisser, je vais aux toilettes, j'ai la prostate. Et le, tu lui dis, c'est quoi la prostate? Il dit, c'est quand on pisse comme tu parles. Une citation maintenant pour Justine Deschamps qui habite Noyers-Bocage dans le Calvados, qui a dit « L'amour, ça commence par la tête et ça finit par trois petites gouttes dans le tuyau du pipi. » Oh, oh. C'est atroce, ce c'est atroce. C'est atroce, ça dépoétise tout. C'est français. Ah ben, c'est pas français, mais c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement très bien. Enfin, anglais. Que vous avez bien connu, aujourd'hui il est mort. C'est pas anglais. Américain. Américain, non. Et vraiment, ça lui ressemble complètement. Hein. Sioran. Sioran, non. Lui aussi, je pourrais vous l'imiter, tiens d'ailleurs. Ah, alors c'est il est pas français. C'est le gros. C'est l'hymen. Il est belge. Il était aux grosses têtes. Non, il était pas belge. Il aurait pu être aux grosses têtes parce que c'était un habitué des émissions de Philippe Bouvard. Mais oui. Mais plutôt à la télévision qu'à la radio. Ivan Rebrov. Non, pas Ivan Rebrov. Il était russe. Oh non, il était pas russe. Italien. Non. Il est mort en 1989 d'une longue agonie, je dois dire. Franco. Franco, non. Mais on se rapproche. Salvador Dali. Salvador Dali, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Plus difficile, la dernière citation pour aujourd'hui. Qui a dit « On récompense parfois des écrivains pour leur œuvre, pourquoi n'en punit-on jamais ?» Très bonne phrase. C'est un écrivain lui-même. Alors, c'est un écrivain lui-même. Oui. 19. Académicien français même. 19e. Alors, plutôt au 20e siècle, même s'il est né au 19e en 1885, mais j'imagine qu'il n'a pas écrit à l'âge de 15 ans, donc on va dire plutôt du 20e siècle. Anatole France, non. Tournier, non. Tournier, pas né. C'était un romancier. Ah oui. Alors, un romancier, dramaturge et poète. Jean Cocteau, non. Il a écrit des poèmes qu'on connaît. Surtout écrit une pièce très très célèbre. Anouilh, non. C'est une pièce qui se joue régulièrement. Est-ce qu'on le lit beaucoup, ce monsieur? Ben, on lit en tout cas sa pièce, oui. Henri de Monterland, non. On lit pas ses œuvres. Son œuvre, un peu moins. Peut-être il y a un titre là qu'on lit un peu plus. Moi, je dois vous avouer que je connais que la pièce. Ah bon, alors. Dites le titre du roman qu'on lit pas. Ah ben, écoutez, c'est pas un roman, c'est, on va dire, un cycle romanesque en 27 volumes. Jules Romain. Oui. Jules Romain. Oh. Bon. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Eh oui. L'auteur de Knock, évidemment. Ah oui. Knock oui. Au théâtre. Jouer. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Dans un instant, l'invité mystère. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Pommes de terre nouvelles, cherche poulet fermier aimant le grand air pour vivre une relation très nature. Rendez-vous chez Grand Frais. Justement, jusqu'au 4 juin, le poulet fermier label rouge est à 5,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Prêt à cuire, origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé, Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé, Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé, Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Carrefour Market. Oh, cette semaine a été intense. Alors ce week-end, j'ai envie de détente, de douceur, de tendresse. Ça tombe bien, j'ai plein de tendresse pour vous, Michel. Chez Market, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à seulement 11,50€ le kilo. J'ai hâte de le passer sur le grill. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Vous savez trouver les mots pour m'attendrir. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller, le plateau de 5 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Du linge de maison carrément rafraîchissant, carrément été, carrément graphique. Et pour toutes mes envies, c'est carrément carré blanc. Jusqu'au 12 juin, pendant les jours carrément carré blanc, c'est moins 30%. Moins 30% sur une sélection de housses de couette, de draps, de têtes d'oreiller et d'éponges. Voir conditions de l'offre en magasin. Liste des boutiques sur carréblanc.com. anti-vichère est bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Il est 17h38, c'est l'heure de retrouver Sylvie Aubert pour la bourse en direct sur RTL avec Les Échos et Investir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Virginie. Alors en bourse aussi, c'est pluvieux. Et oui, ce vendredi est la troisième séance consécutive de baisse pour ce mois de juin qui inquiète décidément les marchés. Au-delà du risque de Brexit en Angleterre, les investisseurs redoutent maintenant un ralentissement de la croissance aux États-Unis. Les chiffres sur l'emploi pour le mois de mai qui ont été publiés il y a quelques heures ont jeté un froid. Le CAC cède à l'instant 1% en 4421. En fait, l'économie américaine n'a créé le mois dernier que 38 000 postes, soit le chiffre le plus faible depuis près de 6 ans. Et cette statistique a eu aussi un effet sur le marché des changes. Elle a fait fléchir le dollar, bien sûr. L'euro cote donc en hausse ce soir, 1,1331. Il est désormais fort peu probable que les taux d'intérêt américains soient relevés le mois prochain. Les économistes évoquent maintenant une action plutôt au dernier trimestre. Alors du côté des valeurs, la vedette du jour, c'est Accor. L'action grimpe de près de 7%. Les spéculations vont bon train sur un renforcement au capital de son premier actionnaire, le chinois Jinjiang. Selon le Figaro, ce dernier serait prêt à porter sa participation de 15 à 29%. Alors, on est vendredi, on fait un bilan, il n'est pas très bon. Le CAC a abandonné 2%. Les deux seules hausses qu'on peut voir sur la semaine, ArcelorMittal plus 7 et Michelin plus 2, vous pensez bien, il y a plus de baisses. BNP Paribas, par exemple, moins 7% sur la semaine. Crédit Agricole et Airbus, moins 5%. Très bon week-end avec un peu moins de pluie, j'espère, Virginie. Merci Sylvie, à lundi. Et du mystère pour pimenter l'après-midi des grosses têtes. RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions. Attendez-vous au pire, c'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. Vous avez fait des études supérieures ? Moyenne. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? À moitié. Est-ce que vous exercez le métier que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez petit ? Absolument. Est-ce que vos parents étaient contents de ce choix ? Quelquefois, oui. D'accord, j'ai compris. Ou vous êtes pompier ou vous êtes un menteur. Non, ça veut dire que ça donne une idée du métier, quoi. Ils avaient la trouille que vous réussissiez pas. Être artiste, c'est pas difficile. Voilà. C'est ce que je voulais savoir, vous êtes artiste. Est-ce que vous avez des gens célèbres dans votre famille ? Non. Est-ce que vous êtes arrivé avec une valise ? Avec non. Une valise avec quelques effets à l'intérieur ? Non, non. Vous êtes parisien ? Le type est parisien. Non. Vous n'êtes pas parisien ? Non, mais il a laissé sa valise à l'hôtel, il vient pas. Bah oui. Vous êtes con. Il vient pas avec sa valise. Il vient pas avec sa valise jusqu'à la radio. Oui. Il a raison. Sauf s'il a un train derrière. Non, mais, il a raison. Et s'il a une occasion ici. Bah ouais. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que vos enfants savent lire ? Oui. Voici un premier indice musical. Entrez, je vous prie, Marguerite. Entrez, c'est ici que j'habite. Ne regardez pas trop, car ce n'est pas très beau. Et surtout, c'est si petit qu'il faudrait presque rester debout en visite. Et je vous avoue, Marguerite, que je n'osais pas. Marguerite, une chanson de Claude Nougaro. C'est un bon indice, invité mystère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Florian Gazan propose Michel Faux. Pourquoi Michel Faux ? Parce qu'il joue dans Marguerite. Ah oui, non. Marguerite, oui. Est-ce que vous allez suivre l'Euro de football ? Oui. Vous allez supporter la France ou un autre pays ? Deux pays. Deux pays ? Ah ! C'est Karim Benzema. Non, c'est pas. Il est en vacances déjà. Bah écoutez, cet indice, ça va vous aider pour savoir. Ouais. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi C'est l'Italie que vous allez supporter, évidemment, en plus de la France, n'est-ce pas ? Oui. Eh oui. Donc, vous êtes franco-italien ? Oui. Mais plus franco, plus italien ? Les deux. Bon, ah, vous bah, êtes né où ? Un papa italien, une maman française. Oui, je mais crois. Il est né où ? Pas en France et pas en Italie. Ni en France, ni en Italie. Ah bah merde alors. Il est né à Saïgon, pour tout vous dire. Ah bon ? Mais Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan ont déjà identifié notre invité mystère. Bravo Jean-Jacques, oh, là, bravo là. Florian. Alors là, maintenant, on va un peu débroussailler. Hein. Vous êtes artiste, on a compris. Est-ce que vous chantez ? Oui. Il chante. Des chansons qu'il faut pleurer ? Pas toujours. Pas toujours. Voici un autre indice. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. C'est Starmania lundi. Ou c'est Fabienne Thibault ? C'est Fabienne Thibault. Vous êtes mariée avec Stone ? Mais non. Vous ne seriez pas Chardin ? Il est décédé. Le pauvre Eric Chardin, il est décédé. Non, oui, mais on me dit rien. Franchement. Non, l'indice, c'est Fabienne Thibault plus que le monde est Stone, même si on peut aussi trouver un léger indice dans le monde est Stone. Vous êtes d'accord, invité mystère ? Fabienne Thibault, c'est le nom de votre femme. Mais non, pas du tout. Je comprends rien du tout. Comment ça va ? Parce que vous comprenez tout peut-être. Est-ce que vous chantez en italien ? Et en français évidemment. Voici un autre indice musical. Mon cœur vient de prendre un coup de soleil sous le charme sans pareil d'une femme. Mon cœur est encore tout ébloui, mais il est aussi conquis, ravi. Dès qu'elle se montra, mon cœur devint fada. Mon cœur vient de prendre un coup de soleil, et ça, alors là, vraiment. C'est Alibert, ça. Ah oui, c'est Alibert, oui, mais c'est pas Alibert, l'invité mystère. Non, j'étais sûr qu'il avait reconnu. Hein. Alibert, mon cœur. On ne peut rien lui cacher. Très content, mon cœur. Il n'était pas de Marseille, Alibert. Ah non, aucun rapport. Pourquoi son cœur a pris un coup de soleil ? Bah écoutez, là, vraiment, je ne peux pas vous donner mieux comme indice. La moitié de la salle, déjà, évidemment. Où se sent levez la main. Levez la main, ceux qui ont déjà reconnu notre invité mystère, voyez. D'accord, oui. Ceux qui connaissent l'acteur australien, puis qui n'ont jamais mangé de cerise à plus d'un franc le kilo. Bande de faux témoins. Non, le dites pas tout de suite. Attends, on va trouver. Est-ce que vous êtes aux Enfoirés ? Non. Et Thomas Olivares a identifié notre invité mystère. Là, alors, attends. Et là, ça vous en met un coin. Le petit jeune. Il est de ta génération ? Non, mais c'est un artiste évidemment qui dépasse les générations. Oui. Bon, alors c'est Adamo. C'est pas Adamo. Je vais me tourner vers Jean-Jacques Perroni, vers Florian Gazan et Thomas Olivares qui vont nous annoncer évidemment l'arrivée dans notre studio de Richard Cochian. Eh oui, évidemment. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Je viens d'avoir 40 ans, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Je me suis même fait percer. Où ça ? Ah non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym... Ah ouais ! La Ford Fiesta aussi a 40 ans, et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync, Bluetooth et navigation, est à 149 € par mois. Venez l'essayer en concession et tenter de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 € puis 47 loyers de 149 € par mois, coût total si achat 14 494 €. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Et oui, c'est les gratuits chez Auchan sur de nombreux produits de marque. Super, je vais pouvoir me faire plaisir tout en faisant de bonnes affaires. Tout à fait. Par exemple, jusqu'à mardi, pour l'achat de 2 paquets de 12 Kinder Bueno, le troisième est offert, soit 12,58 € au lieu de 18,87 € les 3 paquets. Waouh, ça fait 4,20 € le paquet de 12 Kinder Bueno. Auchan, la vie que j'aime. 516 grammes, soit 8,13 € le kilo. Paquet vendu seul, 6,29 €. Pour votre santé, évitez de grignoter. Kiabi colore la vie. Les t-shirts Disney, ce n'est pas réservé qu'aux... Aujourd'hui, toute la famille trouve chez Kiabi des t-shirts avec ses héros préférés. Et pour nous les filles, le top de l'été, c'est le débardeur Disney, très tendance, très fashion, en 5 coloris à seulement 6 euros. Oui, 6 euros le débardeur Disney. Du 1er au 14 juin, conditions en magasin et sur Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Le village préféré des Français 2016 sur France 2 fête cette année son 5e anniversaire. Une nouvelle fois, je vous emmène sur les routes de France. Nous partirons à la découverte de 13 nouveaux villages magnifiques et de leurs habitants. En fin d'émission, je vous révélerai le nom du village que vous avez élu, le village préféré des Français 2016. Notez bien, le village préféré des Français, c'est mardi à 20h55 sur France 2, en partenariat avec RTL. Oh, que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. J'ai eu, bah oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France, à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable, un point c'est tout, y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Avec Thibaut sur sa planche de bodyboard. Thibaut qui porte un short de bain Andaya de tribord. Oui, et qui n'arrive pas à réaliser un 360, une figure difficile. Mais heureusement, il va pouvoir s'entraîner tout l'été avec son short 100% polyester, très résistant à l'eau de mer. Et pourquoi pas impressionner les filles. Oui, oui, oui, pourquoi pas, mais... Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le short de bain Andaya de tribord à 3,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes et l'invité mystère. Richard Cossien, t'étais bien notre invité mystère. Ah, ça n'a pas été évident pour Christine Bravo, Roselyne Bachelot et Pierre Bénichoux. Pourtant, heureusement, les trois autres grosses têtes ont été plus perspicaces. Oui, Richard, vous venez pour nous parler du retour bientôt de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, évidemment, que vous avez signé, co-signé avec Luc Plamondon. Voilà pourquoi, évidemment, je disais qu'il y avait tout de même un petit indice dans la chanson Le Monde est Stone, parce quand même, c'est signé Plamondon, même si vous n'y étiez pour rien dans Starmania, c'était Michel Berger à l'époque. Vous avez été le deuxième Berger, en quelque sorte. C'est ça, le successeur, mais c'est, disons que c'était pas facile au début. C'est-à-dire qu'il fallait se faire quelque chose de complètement différent. Bon, je suis différent. Et oui. Et j'ai insisté là-dessus. C'est-à-dire, j'ai insisté sur le fait que j'ai une musicalité qui est très entre l'Italie et la France, voilà, et ça se sent. Ça se sent qu'il y a des grandes mélodies. Voilà. Et quel succès ça a été, évidemment, Notre-Dame de Paris, de retour, cette comédie musicale, de retour avec un nouveau casting, hein, évidemment, sauf Daniel Lavoie, qui est toujours là. Un nouveau casting, on a décidé de demander à Daniel de revenir. C'est un petit peu le parrain de tous ces nouveaux artistes, qui viennent d'un petit peu partout. Ils viennent, par exemple, Iba, Tawaji, qui est libanaise. Après, il y a un Italien qui s'appelle Angelo Del Vecchio, qui fait Quasimodo. Et il y a des Québécois, comme toujours. Ils sont partout. Hein. Comme toujours, ils sont là, mais ils chantent. Mais Daniel Lavoie, il fait toujours Frollo, lui, hein, Daniel Lavoie, évidemment. Il fait toujours Frollo. Il fait Smeralda avec des cheveux blancs. Mais... c'est le plus grand. Faire la chèvre, hein, c'est le très loin le plus grand chanteur de tous les Québécois. Hein. C'est un très grand chanteur. Moi, je l'admire beaucoup. J'admire beaucoup sa noblesse d'interprétation. J'aime beaucoup sa manière d'être discret. Daniel Lavoie dans Frollo, le retour de Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès à Paris à partir du 23 novembre 2016 et évidemment une tournée ensuite à travers tous les zéniths de France et ça ce sera l'année prochaine en 2017. On évoquait Luc Plamondon à travers la chanson Le Monde est Stone mais c'est vrai qu'avec Fabienne Thibault c'était ça aussi l'indice, vous avez interprété ce tube. C'est une question de feeling. Quelle voix quand même, hein. Il nous manque votre voix, monsieur Cossiant. La voix c'est une âme d'abord. Ah oui, c'est votre âme alors qu'on entend. Absolument, je chante pour ça, c'est ma manière de m'exprimer. Je pense que l'ascétisme est secondaire. L'important, c'est de dire quelque chose derrière. Et évidemment, vos racines italiennes, on s'en souvient grâce à cet énorme tube que je vous propose de réentendre. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Quando la sera scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Forte insieme a me, quasi a protegger l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo. Extrait de la bande originale du film Tandem, c'était Richard Cochiante, l'invité mystère des grosses têtes avec Il mio rifugio. Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Demandons à Mathias de Roubaix son avis sur la tirelire de 10 millions d'euros du PMU à gagner le 5 juin lors du prix du Jockey Club première étape des Epic Series. C'est génial! C'est fou ça! C'est... Merci Mathias. La tirelire de 10 millions d'euros du PMU vous a laissé sans voix, non? Vous aussi, le 5 juin, tentez de gagner la tirelire de 10 millions d'euros du PMU pour le prix du Jockey Club Epic Series. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là j'ai le moral à plat. Bah t'as pas la pêche? Bah oui, parce que chez Lidl ils ont les pêches, et plates en plus. Aujourd'hui et demain, la barquette de 500 grammes de pêche plate est à 1,29€. Ah oui, des pêches plates à 1,29€ la barquette. C'est sûr, le moral en prend un coup. Ah, pas celui des clients Lidl patron, hein. Des pêches à 1,29€. Pour en déguster, il va falloir qu'on se dépêche. Ouais, moi j'en connais un qui va déguster, ouais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,58€ le kilo, catégorie 1, origine Espagne. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas, mais bronzées tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Saint-Martin au départ de Paris à partir de 598€ aller-retour tout compris jusqu'au 8 juin. Tarif, offre et de service pour des départs du 20 août au 4 décembre 2016. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sont presque terminées puisque la suite du programme sur RTL, c'est RTL Soir à 18h. Présenté par Bernard Poirette, ses invités seront la maire de Villeneuve-Saint-Georges, Sylvie Altman, pour parler de l'évacuation de 1200 personnes ce matin par l'armée. Puis deuxième invité, l'une des grandes voix de RTL, Georges Lang, à l'occasion de la sortie du deuxième volume de Beach Party. Richard Cochiante, t'es toujours avec nous. Ah, c'est vrai que cette chanson qui a servi de générique au film de Patrice Lecomte, Tandem, hein, avec Gérard Jugnot et Jean Rochefort, a marqué les mémoires. Sublime. Aussi sublime chanson. J'ai une carrière assez atypique parce que je chante en italien, en français, je chante aussi en espagnol. Mais souvent, ce sont des chansons que l'autre pays ne connaît pas. Par exemple, Il mio rifugio, qui est en italien, personne ne le connaît en Italie. Et puis, il y a des chansons en Italie, des très très grands succès et qu'on ne connaît pas en France. C'est une voix tellement sensuelle. Non, mais elle est en train de draguer à mort. Non, mais non. Ça y est, mes mères, elle a haricot à la fenêtre. Heureusement qu'il était se faire colorier. Pas la peine d'être vulgaire. Qu'est-ce que vous êtes vulgaire. Moi c'est aussi. Une voix qui te prend aux tripes. Qui oui, non, oui, non, t'en prie, t'en prie, t'en prie. Moi aussi, je suis limite quand j'entends. Mais j'en fais pas un plat. Faut se tenir. Non mais alors, vous, Pierre Bénichou, vous avez reconnu à Libère, en train de chanter « Mon cœur vient de prendre un coup de soleil », alors qu'évidemment, il fallait reconnaître à travers ça le célèbre méga-tube, autre méga-tube de Richard Cocciante. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages. Sur des bateaux qui font nos. C'est effectivement une chanson un peu difficile à écouter en France en ce moment, où on a les pieds dans l'eau, dire que j'ai attrapé un coup de soleil. Il vaut mais mieux... ça fait plaisir quand même. Évidemment. Ça donne de l'espoir. Voilà. Il vaut mieux évoquer plutôt, évidemment, l'autre chanson que vous n'avez pas deviné. Et c'est peut-être quand même ça, puisque ça a été le premier Florian Gazan. Il a été le premier à identifier Richard Cocciante. Et là, il fallait le faire dès la chanson de Claude Nougaro, Marguerite, qui évoquait aussi un de vos premiers grands succès. Parce que Marguerite. Vrai, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime, moi je ne vis que pour elle. Quand même, qui évidemment, à qui, j'ai même envie de dire, et monsieur Perroni sera d'accord avec moi, qui a échappé le fameux temps des cathédrales, hein, franchement, entre nous. Il est venu le temps des cathédrales. Éternelle, hein, cette chanson, évidemment. Belle aussi, et on en passera, mais que de succès dans cette comédie musicale Notre-Dame de Paris. De retour, donc, vous l'avez compris, au Palais des Congrès, à partir de novembre, à la rentrée 2016. Il est prudent de louer, comme on dit dans ces cas-là, et la tournée des Zéniths à travers la France en 2017. Quelle carrière! Merci d'être passé par RTL, Richard Cocciante, sans valise, comme l'a précisé sans Pierre Bénichou. Et fier d'être là encore, après tellement d'années. J'ai toujours essayé de pas rentrer dans les modes, et finalement, peut-être c'est une formule pour rester à la mode. Ben vous êtes toujours à la mode. La preuve, tous ces succès qu'on connaît tous par cœur. Notre invité était Richard Cocciante. Merci et bon week-end sur RTL. RTL, toujours avec vous. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez avec vos proches, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. RTL 18h. RTL Soir. Le 18h, Julien Cellier, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce RTL Soir très particulier car en grande partie consacré aux crues, les crues qui affectent lourdement plusieurs bassins dont celui de la Seine avec à la clé quelques secteurs de la capitale sous les eaux. La première édition de RTL Soir est présentée par Julien Cellier. Julien, bonsoir. Bonsoir à tous, effectivement, premières inondations dans le 16e arrondissement, premières infiltrations dans le métro, plan de prévention de la RATP déclenché, un pic à 6,40 m est redouté ce soir. Élodie Guillard, vous êtes sur les quais pour RTL, la capitale change de visage. Et oui, il y a d'abord toutes ces péniches qui d'ordinaire sont invisibles depuis les quais mais qui aujourd'hui arrivent à hauteur des voitures. Au pied de la tour Eiffel, depuis le pont, on a presque l'impression de pouvoir effleurer la Seine qui n'est plus qu'à quelques mètres en dessous. Sur l'eau marron, ce ne sont plus des bateaux qui défilent mais des troncs d'arbres et des poubelles. De quoi satisfaire la curiosité des dizaines de badauds massés partout le long du fleuve. Appareils photo en main, ils veulent immortaliser cette crue. Certains sont même venus en short et pieds nus. Un peu plus loin, une femme pousse un cri. Elle vient de croiser un rat remonté tout droit des égouts. La menace également sur la proche banlieue. Pendant ce temps-là, de nouvelles villes sont submergées à 20 km de la capitale. À 18h20, justement, nous serons en ligne avec Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. 900 habitants de sa commune ont dû quitter leur logement et l'eau continue de monter. Et nous nous rendrons aussi en amont où la Seine-et-Marne et le Loiret continuent d'écoper. À suivre également ce soir, pagaille dans les gares, grève encore reconduite à la SNCF. À 18h30, Alain Duhamel, au début de cette deuxième demi-heure, affirmera ce soir, à l'issue d'une nouvelle rude semaine sociale, il faut savoir terminer une grève. Fin du suspense à Roland-Garros, on connaît le programme des finales. Williams Muguruza chez les femmes, Djokovic Murray chez les hommes. Et puis Cocorico, les Bleus sont de retour en France à 7 jours de l'Euro. dans 25 minutes, bleu en herbe ce soir, les débuts balle au pied d'une vedette du championnat espagnol, un Français bien sûr, un certain Antoine Griezmann. Puis à 18h35, notre ami Georges Lang, l'homme des nocturnes sur RTL, il sera avec nous en studio, il a sous le bras le volume 2 de Beach Party, compilation musicale d'une Amérique aujourd'hui disparue, où l'insouciance était la règle. Au-delà, il y aura Laurent Gérard, et bien entendu, je n'oublie pas les polémistes dont fait le monde et Tanguy Pastureau, qui referont donc le monde dès 19h15 sur RTL. Et puis il y a vous, Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. Vous, la porteuse d'eau, en quelque sorte, la pluie, c'est fini, Valérie ? Alors, pas vraiment, non, mais on attend quand même des quantités moindres, ce qui n'aura donc pas de conséquences sur les décrues en cours ou à venir. Demain, en matinée, toujours beaucoup de grisailles, quelques pluies faibles, des éclaircies près de l'Atlantique et de la Méditerranée. Dans l'après-midi, ça va en revanche tourner à l'orage des Pyrénées aux Alpes, mais aussi en Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, orages qui pourront déborder vers le nord du pays et l'est parisien aussi, mais encore une fois, ça n'accentuera pas le phénomène. Restent les températures qui vont amorcer une légère remontée pour varier de 16 à 26 degrés du nord au sud. Merci Valérie. RTL Soir. C'est donc du jamais vu, et pour une fois ce terme n'est pas galvaudé. C'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. La Seine pourrait ce soir, dans la capitale, passer la barre des 6,40 m. Menace donc sur Paris, dans le 16e arrondissement. Ça y est, des caves, des parkings, certains rez-de-chaussée d'immeubles sont inondés, Arnaud Touche. Exactement, centimètre par centimètre, l'eau prend ses quartiers dans cet immeuble rue Eugène Poubelle. Les caves dont certaines sont transformées en souplex d'habitation sont sous l'eau. Caroline, une habitante du 5e étage, est venue aider avec sa raclette. Je suis en train d'enlever un peu l'eau. Ça ne sert pas à grand chose. L'eau suinte par des bréchures dans le mur, dans la fenêtre. Mais c'est quand même, voilà, pour faire quelque chose et puis pour montrer aux personnes qui sont dans les chambres qu'ils ne sont pas toutes seules. Les meubles sont montés en hauteur, à la hâte, mais Charles, habitant du 3e étage, reste très inquiet. Je suis descendu voir quand même le niveau, surtout au niveau de la chaufferie, hein, parce que c'est ça qui est le plus inquiétant. Donc, parce que l'immeuble était en pente. Donc de l'autre côté, il y a les fenêtres qui sont pour le moment isolées. On va voir si ça va résister à cette pression. Et pour résister justement à cette pression, des plaques en fonte ont été fixées à l'aide de boulons sur les fenêtres du sous-sol. Pas certain cependant qu'elles résistent très longtemps si la Seine monte encore ce soir. Arnaud Touche dans le 16e arrondissement de Paris pour RTL. Pic attendu ce soir. Donc pic, ce n'est pas vraiment le bon terme. Les autorités préfèrent parler de plateau, car Virginie Garin, la Seine va se stabiliser à ce niveau extrêmement haut. Voilà, on pourrait parler de pic si l'eau commençait à redescendre dès ce soir, mais non, la Seine devrait rester à cette hauteur une partie du week-end et la décrue ne commencera que dimanche, mais pas d'alarmisme dans Paris. On ne devrait pas atteindre le niveau rouge, c'est-à-dire plus de 7 mètres. Et il vaudrait mieux, car là, eh bien, c'est par exemple